Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue depuis un petit moment maintenant pour ce 9e épisode de Capsule. Nous sommes très bien entourés. Oui, on est content, oui. Bienvenue. Bonsoir à tous, bonjour à tous, hein, c'est ça la magie du podcast, on ne sait jamais quand vous écoutez ceci. C'est incroyable. Bonsoir Barry, bonsoir. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, on est là à fond. Eh ben c'est parfait. Oui. Barry, un petit moment que nous n'étions pas rencontrés autour d'une table et de quelques micros et de quelques bières. C'est vrai. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Examen. Les Français veulent savoir. Examen ? Examen. Examen médical ? Oui. Ça a été un peu long. Sonde anale, toucher colorecto... Voilà, bon, il y a des choses. Bon, ça va très vite. Ça va pas très vite, mais ça it escalated quickly. Et ce soir, ce jour. Barry, je te laisse, s'il te plaît, introduire notre invité. C'est mon boulot. On est accompagné d'une personne qui n'est pas n'importe qui. C'est vrai. Puisqu'il s'agit d'un être humain. De Mathis. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Je m'applaudis aussi. Je vais mettre du montage. Il faudra une foule. Un applause. Applause. Bonjour Mathis, comment tu vas ? Ben, je vais très très bien, Barry. Très content d'être là et de faire votre retour. Ouais. Faut que je me rapproche plus près. Ouais, comme ça, là, c'est parfait. Ben, alors, je vais faire un peu attention. Sois un peu plus proche de moi, s'il te plaît. Ça me dérange pas. J'adore ça. Tu me touches. Comment tu vas, Mathis ? Ben, écoutez, ça va très très bien. Et je disais, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Et j'espère qu'on va passer un bon moment. Il y a peu de chance. Alors, pas trop compter là-dessus. J'espère qu'on va bien se faire chier. C'est ta première en radio ? C'est ma toute première fois. Je suis assez stressé pour le moment. Sur les bandes FM, je vous rappelle que vous pouvez toujours appeler le 05 49 06 10. Faire lancer la capsule roulette. Exact. Et on paye. Rien. Mais plein de cadeaux en tout cas, tu m'en parlais tout à l'heure. Plein de cadeaux, ouais. On vous le dira plus tard. Ça fait partie du projet secret que je tease depuis quelques épisodes déjà. Et ben oui, je suis très content qu'on se retrouve parce que ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps. Il me semble qu'on avait dit dans deux semaines, il y a deux mois. Deux semaines. Ouais. Non. J'ai hésité à revenir et faire genre, on avait sorti des épisodes régulièrement. Et genre, arriver et dire que c'était l'épisode 15 et faire, bah, vous avez pas regardé ce truc. Il y avait un problème technique. J'ai pensé. Et puis je me suis dit, bon, peut-être respecter les gens. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû plus communiquer sur les réseaux. C'est vrai. Sachant que bon, il n'y en a qu'un seul et c'est Twitter. Bon. Ouais, et que vraiment vous êtes une petite. Bah, la commu, quoi. Ouais, une petite commu. J'en fais partie. La commu solide. On fait encore une bise aux parents de Florian. Les quatre auditeurs qui restent fidèles. Très non, mais c'est vrai qu'on n'a pas, été là pendant. Bah, ça fait peut-être deux mois maintenant. Ouais, ah, j'ai un peu peur de le dire. On ça a fait dû un peu rater mal. Plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé pendant deux mois? Bah, Donald Trump a été élu. Ouais, putain. Ah, merde. Là, on n'y croit pas. Hein. Putain, ça fait mal. C'est bizarre. Et la démocratie a mal. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Un album de PNL, incroyable. C'est vrai. ODD. qui était vraiment bien. Et ça, c'est le bruit d'une bouteille d'eau qu'on ouvre parce qu'on est vraiment healthy. Il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater, c'est important. Et il faut que je vous raconte une histoire. Alors, juste deux secondes, si on peut faire un petit aparté sur l'album de PNL. Oui, incroyable. Je ne l'ai pas écouté. Oui. Non. Voilà, c'était mon aparté. Tu es le seul en France, vraiment. Mais ouais, deux frères ODD et ça s'est arrêté là. Ah ouais. J'ai pas senti la. Il y a un son qui est sorti aujourd'hui de PNL. Ah bon ? Il s'appelle Mowgli 2. Mais pourquoi ? Bah, comme ça, un petit single. Tu devais être très content de la sortie du film Le Roi Lion. Ça va leur faire une pub, ça. Ouais, ça c'est apparemment, ils sont dans la BO. Je sais pas. Ce serait incroyable. Ouais, de ouf. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre en fait, c'est que ça fait tellement longtemps que je sais pas tout ce qui a passé. C'est passé trop de trucs. Oh, bah, j'ai été diplômé alors. Oh, félicitations, on applaudit. Bravo. Félicitations, Barry, qui est officiellement licencié. Oui, je suis licencié alors que j'ai pas encore de taf. Et, allez. Et du coup, je rejoins la secte de vous deux parce que vous êtes tous les deux en master. C'est vrai. C'est vrai. Et oui, c'est vrai, on t'a pas demandé ce que tu faisais dans la vie. Eh ben, je suis en master, tu viens de le dire. Yes, I. Eh ben, on est là. Et ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien, ben nickel. Et du coup, faut que je vous raconte une histoire, un truc qui m'est arrivé ce matin. Ce matin. Ce matin, en fin de matinée. Genre, je partais de chez moi, je voulais aller manger au. 15h. À ton réveil, quoi. Je voulais aller manger au rue, parce que, au resto rue, parce que j'avais faim de me faire manger. Ouais. Je pars, il pleut, et genre. En gros, le resto il est dans un angle, mais du coup, faut traverser deux fois la rue pour aller plus vite, tu vois. Okay. Et donc, je traverse une première fois. J'ai rien compris. Dis-toi juste. Est-ce que c'est le Sertaki? Le Sertaki, c'est. Le rue. Comment t'as prononcé ça? Sertaki. Ah, yes. C'est pas ça? Sir Taki. Comme la danse d'origine grecque. À qui appartient ce pantalon? Bref. Non, c'est juste à côté de chez moi là. Okay. Et en gros, il y a un mec qui s'arrête. Je viens de capter la blague. Et en gros, attendez. En gros, il y a un mec, genre, il s'arrête devant moi. Enfin, il recule. Okay. Et moi, je le suis. Je suis en mode, bah, il me laisse la place. Il est cool, tu vois. Donc, je passe. Et il accélère pour être redevant moi au moment où je dois retraverser. Je suis mieux quoi. Ouais. Et ça, il fait oui, un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est quel accent? Il est chinois? Italien. Ah la vache! Il a dit chinois quand même. C'est qu'il est asiatique. Et il fait oui, des petits renseignements, là, s'il te plaît. Oh. Contre-format, avec les mains et tout. Ah oui, voilà, mais s'il manque les mains, parce que là, on. Et il fait ouais, vous parlez italien? Enfin, en italien, il fait oh, habla italiano. Je fais non, anglais, s'il vous voulez. Il fait ouais. Au pire français, hein. Ouais. Bah, habla italiano. Il fait attends, je vais me garer par là-bas, quoi. Mais où va cette histoire? Il se gare, genre 2 mètres après, il me dit ouais, viens. Et là, il sort une pizza de son coffre. Il me sert la main, il me dit ouais, tu viens d'où et tout. Avec son accent, je vais pas le faire parce que. Ouais, parce que tu arrives pas. Tu viens d'où? Okay. Je fais bah là. Il fait ah, ok, machin. Il me parle, il me dit ouais, ça va, machin. Je fais, bah oui, mais pourquoi il m'arrête comme ça? Il fait ouais, tu viens pas de la Guinée, toi? Je fais bah non. Alors, okay. Et je dis ouais, mon daron Sénégal, tout ça. Et il me parle en Wolof. Wolof, c'est la langue qui parle au Sénégal. Ouais. Et je fais bah, d'où? Okay. Bref, voilà. Et après, il me fait oui, je t'explique. Il était à une expo d'art de mon fils là. Et en fait, j'ai vais à l'aéroport de Mérignac. Et de Mérignac, je vais en Belgique. Mais pourquoi il te raconte ça? Attends. Et okay. En Belgique, il prend un avion pour aller en Suisse. Ok. What? Et je fais ok, donc il veut savoir où est l'aéroport, pas de soucis, il me raconte sa vie. Mais... Et ça, c'était la troisième fois qu'il me serrait la main à ce moment-là. Tu vois. Et là, il sort un catalogue Rolex. C'est... Ah, bah, j'ai pas précisé. Le mec, c'était un putain, petit vieux. Je les connais, ces gars. C'était un petit ouais, vieux. Je connais pas du tout, moi. C'était pas un vieux, mais genre un soixantenaire grisonnant, enfin ouais. Plus que grisonnant. Sapé de ouf, Fiat 500 Abarth. Il avait l'air italien. Et il avait l'air. Bah, Fiat 500. Fiat 500 Abarth. Voilà. Ouais. Tous les Italiens ont une Fiat 500. Et il sort son catalogue Rolex. Ouais. Il fait oui, yes, oui. En gros, il me dit qu'il est dans, il est de chez Rolex et il bosse dans la distrib et il devait en vendre à des gens. Et il me fait, mais là, il m'en reste 6 et si je les ramène en Suisse, et je vais payer les taxes. Donc je te les donne. Je vais juste me débarrasser, je te les donne. J'ai la facture. J'ai... Cette histoire, hein. Et moi, je fais, ben moi, je veux pas. Ouais. Vous voulez faire ça? Il fait, non, mais j'ai la facture, tu fais quoi dans la vie? Je fais, bah, je suis étudiant. Il fait, ah, mais ça peut te faire des sous, tous les levants, ça fait des sous. Okay. Je fais, non, vraiment pas, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Il fait, ah, ok. Combien il te les propose? Ça sent le traquenard. Il voulait me les filer, il les donnait comme ça. Gratuit. Attends, moi, gratuit, je les prends, tu les revends sur le bon coin. Mais jamais de la vie, gros. C'est un Italien. Un Italien qui parle louche. Comme ça, avec une voiture qui fait du bruit, il s'appelle comme ça. Évidemment que c'est louche. Je me suis dit, 100% c'est un mafieux, je vais me faire taper dessus. Donc, j'ai fait, j'ai pas trop le temps. Et je suis parti. Je n'aime pas les montres. Voilà. Alors, cette histoire est incroyable pour une bonne raison, que je vais pouvoir rebondir dessus. Ouais. C'est pas un trampoline du tout. La personne, je vais parler d'une histoire dont le protagoniste de cette histoire va se reconnaître très vite parce que c'est ouais. Mon frère. Ah, ok. À qui on fait la bise. Actuellement, on enregistre là, j'ai une montre autour du poignet ouais. Qui provient sûrement de ce monsieur. Non. Il y a de grandes chances. Le même. Ça, certainement. Donc il n'a pas pris son avion je vais pour la Belgique. Mais j'ai raconté cette histoire. Oui, c'est une montre, elle est grave stylée, c'est une automatique et tout. Ah ouais. Jolie, ah ouais. Montre, très belle, hein. C'est une 3-portes. Ouais, c'est une 4-portes. Ouais. Une 4-portes n'existe pas en plus. Vraiment, fallait que je sorte un petit frappeur, j'ai dit 4. Mon frère, il va au Carrefour City. Ouais. Donc déjà, gros big up. Ouais. Il va se reconnaître parce qu'il va écouter. Et voilà. Ouais. Il va au Carrefour City. Ouais. Et il y a un gars, un Rital, ouais. Un Fiat 500, ouais. À Barthe. Ouais. Non, mais qu'est-ce que c'est qui va le voir. Arrête, c'est vrai. Et qui lui dit, ouais, je vais en Suisse. Non, jure, c'est vrai. Non. Je l'ai raconté 1000 fois, cette histoire. Dis-moi, jamais. Ah, bah là, je vous la raconte, alors, elle est incroyable. Oui, j'ai des montres et tout. Fais l'accent, moi j'y étais pas. T'as méprisé mon accent italien. Tu fais il faut une comparaison. Que je fasse l'accent. Ah, mais moi j'y étais pas, je l'ai pas. Il a mis les mains. C'est pas mon problème. Moi je parle déjà comme ça. Il sent le Rital. Bah tu vois, mon frère il va faire les courses. Il sort du Carrefour City, tu vois, donc à côté de chez lui. Et le mec lui fait ah ouais, machin. Il lui raconte plus ou moins la même histoire que toi. D'après ce que j'ai cru comprendre, il va peut-être me démentir dans les commentaires. Il prend un avion, machin. Oui, machin, les taxes, machin, truc. Sauf que lui il va pas lui filer, il lui vend. Il lui vend un lot de 4 montres, dont celle-ci. Le tout pour. Putain, je sais plus le prix. Mais en gros, il lui explique. Donc voilà, les 4 montres là, en vrai, facture à l'appui, il y en a pour 700 balles. Ouais. Je te les fais à 400. Il s'est acheté. Et c'était avant Noël, tu vois. Avant Noël. Et mon frangin, il fait. Non, tu vois, je m'en branle, j'en veux pas de tes montres. Genre, c'est de la merde, quoi. Comme Barry. Et il réfléchit, le mec lui tient la jambe, il parle et tout. Et puis mon frère, je sais pas, il a un problème. Ouais. C'est que quand il a de l'argent sur lui, il faut qu'il le dépense. Et il lui fait, vas-y, bah, ça pourrait faire un bon cadeau de Noël, tu vois. 4 montres, t'en balances à Noël, tu les balances, quoi, je veux dire. Ouais. Et il fait, ouais, et puis en plus, il regarde les montres, il fait, elles ont l'air quali, machin, truc. C'est vrai que fait, okay. En les regardant, il y avait vraiment des factures. Il y avait, non, il y avait vraiment. J'en sais rien, j'ai jamais vu de facture de ma vie. Ouais, hein. Okay. Je pense que c'était un grand mytho. Mais... Ouais, j'imagine. Et ça se trouve, il prend beaucoup d'avions pour la Suisse. Oui, et faut il pas les loupe tous. Il doit se dépêcher. Ouais. À chaque fois, il se fait choper par les taxes. Ouais. Il a pas de pôle. Ah, mais c'est les taxes, c'est pas ma faute. Si du coup, mon frangin. On maque les taxes. Un simili congolais, là. Ouais, franchement, c'est bizarre. Et du coup, mon frère, il va retirer 300 balles au distributeur. Non ! Putain, mais il est ouf ! Il retire 300 balles en cash au distributeur. Et il lui fait... à la base, le mec en voulait 400, ouais. Je crois. Enfin, peut-être qu'il va me démentir et tout, mais ouais. Je crois que c'est à peu près ça. Ouais. Et il lui fait, bah tiens, moi j'ai que 300. Je te les prends pour 300 balles. Ouais. Et bah, figure-toi qu'il lui a pris 300 balles, les 4 montres. 300 balles. Ouais. Et je me retrouve avec ça depuis Noël. Ouais. Une montre, une très belle montre. Mais vraiment, elle est très belle. Très belle montre. Bon, cuir, bracelet en cuir, montre automatique et tout. Ouais. En vrai, j'ai fait des recherches après sur internet. C'est 5 portes du coup. C'est pas des contrefaçons. J'ai pas compris. J'ai pas écouté. J'ai dit c'est une 5 portes du coup. C'est un running automatique. Et c'était un running gag en fait. Et moi j'ai. Ça très va. Mal géré. Allez. La virgule de Barry. Ah, je vous déteste déjà, putain. Ça va, je finis l'histoire. Et du coup, moi j'ai ça, donc voilà. Ouais. Et puis les autres montres. Bah tiens papa, joyeux Noël. Il fait oh bah j'aime pas les montres. Oh bah tant pis. C'est con, ça. Et je crois qu'il en a essayé d'en revendre sur le bon coin. Donc en vrai c'est des montres qui valent ça vaut pas 5 balles. Mais ça en vaut pas 400 non plus quoi. Ouais. Ça vaut une 50aine d'euros en tout cas c'est quoi. Okay. Du coup est-ce qu'il a réussi à les revendre plus cher sur le bon coin ou... Je crois pas. Est-ce qu'il a pas continué? Il avait tenté à 70 balles. Maintenant ouais. Il en met une sur chaque poignet. Après j'avoue que il a rien vendu. Parce que dire ça, ça voudrait dire que c'est du recel. Ou des trucs comme ça, donc je vais pas le dire. Trop tard, c'est dit. De toute façon, il a rien vendu, il a gardé les montres. Mais encore une fois, mon frangin. Vous entendez, il n'a rien vendu. Mon frangin, c'est le la roi. La police. C'est le roi pour acheter des trucs, mais genre, quand il a des thunes, il sait pas quoi faire. Il achète. Il y a un Italien. Vous êtes italien. Vous voulez vendre des trucs. Vous avez sorti des carrefours, les gars. Vous avez sorti des carrefours, vous chopez des petits, là, qui ont l'air d'avoir un peu de pognon qui dépasse des poches. Et vous leur vendez 4 montres qui viennent de nulle part. Voilà. Donc, du coup, très belle anecdote. Merci d'avoir partagé ça. Ah putain, mais je. Mais je l'avais raconté mille fois. Mais non, mais je me l'ai jamais raconté. Si c'est le même, c'est incroyable. En même temps, il dit que je l'ai jamais raconté. Mais à chaque soirée où je viens, ça fait quand même depuis Noël. Donc je te dis qu'elle t'a une jolie montre. Ouais, voilà. Chaque soirée, elle est sympa ta montre. Ouais, c'est la même tous les soirs. À chaque fois, je l'oublie. Et voilà. Parce que Barry boit beaucoup d'alcool. Non, si. Aussi, j'avais noté un truc. En fait, je l'ai noté quand ça m'est arrivé. Parce que je pensais qu'on enregistrait le lendemain. Et c'était il y a 2 mois. Et je me suis rendu compte que je vieillissais. Parce que j'étais heureux quand ma mère m'a offert une poubelle. Ah la vache. Bah mec, non, en vrai, grave cool. Et en vrai, c'est vachement bien. Ah ouais, parce que ma poubelle d'avant était toute petite. Et ma nouvelle poubelle est vachement bien. Et je vois Mathis qui me méprise. Ah, elle est vraiment pas si dingue sa t'as poubelle. T'as pas passé ce cap. Elle est pas ouf ma poubelle. Non, elle est pas si dingue. Moi par contre, j'ai compris que t'avais vieilli quand je t'ai croisé dans la rue et que tu avais un parapluie. Ouais, parlons-en. Parlons-en. Parce que cet homme a changé. Première fois, jamais vu avec un parapluie. Première fois de ma vie que j'utilise un parapluie. Très longtemps que je le connais, jamais vu avec un parapluie. Première fois de ma vie que j'utilise un parapluie. Mais c'est incroyable. Enfin, je sais pas pourquoi je méprisais les gens qui avaient des parapluies avant, parce que vraiment, j'étais sec. Parce que ça nécessite un degré d'organisation, ouais. D'avoir un parapluie sur soi tout le temps. Ouais. Ouais. Et moi, ma strat, pas le perdre et tout. Ouais, c'est que j'avais une petite poche et je l'ai accrochée. Vous savez, la petite poignée arrondie, là, du... Mais voilà, et je me sentais vraiment, vraiment stylé comme ça. Bah, daron. Donc, anglais. Bientôt 22, du coup, la retraite approche. T'as mais 22, mais j'ai quel âge, moi? Beaucoup plus. Ah ouais? Non. Un de plus, du coup. Pas tant que ça. Mais non, t'as... Ah mais oui, si, pardon. Oui, oui. Ben t'intéresse. Est-ce qu'on rentrerait pas un peu dans le vif du sujet, messieurs? Merci. T'es un master, mais... Oui, exactement. Messieurs, reconcentrons-nous. Est-ce qu'on rentrerait pas dans le vif du sujet? Tout à fait. Rentre. Okay. Allons-y. Eh ben écoute, j'ai très envie de te laisser commencer. Eh ben allons-y. J'ai un petit truc, j'ai préparé un petit truc. Ouais. Oh, pas de virgule, on s'emmerde pas. Pas de virgule. Bon, on entre nous. On en rajoutera une au montage, maintenant. Si jamais... maintenant. Oh yeah, si c'était une virgule, yo, je suis une virgule, je sers à couper dans le temps. Moi j'aime oh bien. Non ah bah si, très belle ponctuation. Moi j'aime bien ce genre de virgule, en vrai, on se fait pas chier. J'ai annihilé la virgule. J'ai pris mon ordi sur mes genoux, mais en vrai, il me sert pas à grand chose. Ouais, il est reposé dessus. Ah yes. En fait, moi j'avais une idée, donc j'ai pas spécialement préparé de trucs, mais j'avais des idées en tête. Ok. Et on en a parlé un peu en off au début. Ouais. Est-ce que, messieurs, vous êtes amateurs de séries ? Moi, je suis gros amateur, ouais. T'en consommes régulièrement ? Ouais. Ouais, vraiment pas mal, à peu près tous les soirs quand je rentre chez moi. Ok, donc c'est vrai ? T'es le genre de gars, t'as toujours une série en cours, quoi. J'ai toujours une série en cours, ouais. Ah ouais ? Moi, Barry, toi ? Moi depuis. En fait, avant, j'étais comme ça. Et depuis, genre. Je crois que c'est depuis la saison 6 de Game of Thrones. Et depuis, comment ça s'appelle, Westworld, j'arrive plus. En fait, j'ai l'impression de perdre mon temps. Genre, parce que tu n'arrives pas à trouver mieux que... Non, en fait, c'est parce que ça fait une... Non, parce qu'il y a des trucs super bien. Westworld, j'ai pas réussi à finir la seconde saison. J'en ai parlé ici, à l'épisode 4, j'étais en mode, c'est incroyable. Mais j'ai tenu 3 épisodes, après, j'arrivais plus. En fait, c'est que le fait de passer une heure devant mon écran à rien branler, eh ben, je suis frustré. Moi, pour moi, c'est pas du tout une perte de temps de regarder une série. Bah, je dis pas que c'est une perte de temps, mais c'est que je suis frustré parce que je me dis, je pourrais faire tellement d'autres trucs en même temps. Genre, en général, quand je regarde une série ou un truc comme ça, je l'écoute et je regarde un truc en même temps, genre du foot ou je joue à la play ou des trucs comme ça. Mais du coup, je rate la moitié de l'intérêt de la série, tu vois. Et du coup, finalement, la série m'intéresse pas assez et ça me saoule. Et du coup, j'arrive plus à me focus là. J'ai réussi à me remettre à regarder l'attaque des Titans, Attack on Titans. Ah, alors t'as kiffé ? J'ai pas fini, il me reste. J'ai genre 3 épisodes de retard. Et ça, je kiffe parce que c'est vraiment 20 minutes. Et c'est court, ouais. Et puis pendant les 20 minutes, si je décroche 5 minutes, c'est pas bien grave. Ouais, voilà, c'est plus facile à regarder, quoi. Parce que justement, moi j'avais pensé. Donc en fait, le but de cette chronique, c'était de penser. Parce qu'on a. Game of Thrones est terminé. Ouais. Ah là là. Tout le monde regardait Game of Thrones ici. Ouais. Tu regardais toi aussi ? Mathis, tu regardais ? Moi j'ai commencé Game of Thrones il y a 3 mois. Et t'as battu la saison 8, tu veux dire t'étais en fait, à jour. J'ai terminé la saison 7, 2-3 jours avant le début de la saison 8. T'as fait le meilleur truc. Et franchement... Ouais, c'est vraiment vrai bail ça. Maintenant, je le vis hyper mal. La coupure me fait hyper mal. Moi j'ai fait pareil. Ah là là, mais t'as fait le meilleur truc. C'était génial à faire. J'avais fait pareil en... Et sans spoil, je me suis rien fait spoil. C'est incroyable. J'avais fait pareil jusqu'à la saison 6 du coup. En fait, j'avais fait en une semaine, parce que je sortais très peu de chez moi à cette époque-là. En une semaine, j'ai fait les 6 saisons. Ah oui, ça tu m'avais dit, ça c'est énervé. Et vraiment, ma vie c'était ça, et quand la saison 6 ça s'est fini, je fais qu'est-ce que je fais maintenant? Il va falloir sortir de ma maison là. Ah non, pas drôle. et vraiment, je trouve que, je suis pas fan de binge-watching machin, mais le fait de le faire sur une semaine, ça fait genre une petite colo, et vraiment, tu vis le truc de ouf, tu vois. Que moi c'était ça. Le fait de regarder un épisode par semaine, ça te décroche un peu, tu vois. Enfin, je veux dire, les gens qui ont commencé Game of Thrones le premier jour, voir un épisode par semaine pendant 7 semaines et après attendre un an. Après, ça crée un peu une... Ce que j'ai fait, moi. T'as commencé le tout début. Ouais, moi j'étais en seconde à l'époque où c'est sorti. Donc en 84, c'est ça ? C'est un pote à moi qui m'en a parlé. Ouais, c'était les années 90. Ouais. Un pote à moi qui m'en a parlé. François et Mitterrand. La première saison, c'est vrai que moi, j'ai fini la... Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit François Mitterrand. Un pote d'enfance de Flo. Tonton. C'est vrai que la première saison, ça n'a pas fait tant de bruit que ça. Enfin, du moins, en France, non. Ouais, en France, non, mais aux États-Unis, apparemment, ça avait déjà pété. Ouais. C'était aussi l'époque où moi, je regardais The Walking Dead aussi. C'était vraiment la série qui marchait. Le seul Français sur Terre à avoir continué The Walking Dead. Ouais. Ah, c'est possible, moi, je me suis arrêté à la saison. Je suis à jour, vraiment. Et quand j'ai appris qu'il y avait 8 ou 9 saisons, j'ai fait what ? C'est parti loin. N'importe quoi dans la suite. Enfin, bref. Et du coup, Game of Thrones, moi, j'ai vraiment suivi depuis le 1. Et toutes les semaines, je matais les épisodes, quoi. Et justement, ce à quoi je voulais en venir avec cette chronique, c'est. Parce que la fin de la série a été énormément critiquée, on va pas se mentir. Honnêtement. Moi, je suis moins tranché. Il y a eu une pétition. On va pouvoir en parler. Il y a eu une pétition pour réécrire la fin. Les fans étaient tellement déçus. Ça, c'est un peu bidon, par contre. Ouais, non, mais ça, c'est un truc de fan pas content, quoi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, on pourrait en parler des fins de série. Ouais. Parce qu'une série, c'est quelque chose qui te suit sur plusieurs années, qui t'habite et tout, sur lequel tu t'identifies la plupart du temps. Surtout Game of Thrones. Mais enfin, surtout les séries. Type Game of Thrones, genre Breaking Bad, c'était la même chose. Qui s'est étalé genre sur 7-8 ans, je crois, en tout. Oui, mais c'est vraiment la seule qui a eu autant d'ampleur et que tout le monde regardait, quoi. Ouais, mais je pense que l'impact sur les gens était à peu près le même. Genre, les gens qui avaient notre âge à la fin de Breaking Bad, pour eux, c'était la même chose, tu vois. Ouais, je capte. Genre, nous, ça nous a un peu accompagnés entre le passage ado-adulte. Enfin, adulte, entre guillemets, évidemment. Mais Breaking Bad, pour ces gens-là, c'était la même chose, je pense. Alors, justement, moi, je voulais savoir. La fin de. Donc sans spoil, on va pas spoiler non plus, mais genre. Moi, la fin de Game of Thrones, vous l'avez vu comment après. Non, pas spoil. En vrai. Déçu, pas déçu. En vrai, moi je suis déçu de la tournure. On regardait l'épisode avec Mathis. Ouais. Et j'avais des débriefs assassins à la fin. Et en vrai, le problème c'est qu'il y a. C'est pas des incohérences, c'est que. Déjà, c'est vachement rushé. pour plein de raisons. Ouais, plein de raisons que la plupart des gens connaissent. Hein, ouais, mais... et... oh, c'est quand même abusé. Je vais le rappeler parce que quand même. Rappelle-le, ouais. Les showrunners partent sur la prochaine trilogie Star Wars. Ouais, Disney, ouais. C'est ça. Et sur la série Netflix. Non, la série Amazon Prime, Seigneur des Anneaux. Ils font les deux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais. Et du coup. Les mecs ils font GOT, Seigneur des Anneaux, ouais. Et Star Wars. Bah, c'est pas pour rien qu'ils les ont pris. Mais, c'est les boss. Et oui. et la prod était d'accord pour leur faire pour faire la série en 10 épisodes, la saison en 10 épisodes. Ils ont même proposé plus. Et la saison finale de Game of Thrones, tu veux dire? Ouais, ouais. La saison finale et la saison d'avant. Hein. Okay. Ils étaient d'accord pour monter au-dessus de 10 épisodes. Ouais. Et les showrunners ont dit non. Ils ont dit non, 6 épisodes. Mais est-ce que c'est pas des grosses rumeurs ça? Parce que non, ça, je l'entends depuis le début, mais je sais pas d'où ça vient. J'ai mes sources. On est d'accord, oui, tu bosses. On est d'accord que 6 épisodes pour un final d'une série qui avait une telle ampleur, ça paraît très mince. Hein. Bah, en fait, le problème, je veux pas. Après, ils sont très longs. Après, ils sont plus longs que les autres. Ils font plus d'une heure, mais ils font pas non plus deux heures. Quoi. Genre, les épisodes 9 et 10 en général. Moi, je m'attendais à un putain de film sur les deux derniers épisodes. Parce qu'en plus, on avait entendu des gros teasings en mode ouais, chaque épisode va durer 1h40. La plus grande bataille. Et par exemple, la méga bataille, je trouve ça méga frustrant parce que ça fait vraiment 8 saisons qui teasent. Tout le Winter is Coming machin et ça se finit en 1h30 de bataille. La bataille est vraiment. Oui, c'est que c'est pas le point final de la série quoi. Ouais, et surtout la bataille est super stylée. Enfin, moi j'avais pas trop envie de voir la suite quoi. Bah, moi je pensais que ça allait être la fin. C'était genre. Ça pour moi, c'est le truc essentiel depuis le tout début. Après, ça nous intéresse beaucoup moins que ça quoi. Et surtout vu comment ça a été géré après. Ouais. Bon. Ah, bref. Et ouais, du coup, en partant là-dessus, je me suis dit. Quelle autre série, donc toi Mathis qui a l'air d'avoir maté pas mal de séries, est-ce que ça arrive souvent qu'une fin de série te déçoive au point où tu te dises fais chier, pourquoi j'ai commencé à regarder finalement tu vois. Bah, en fait, t'as des exemples en tête. Mais par exemple, on va reprendre juste l'exemple de Game of Thrones pour ce cas-là, c'est très très rare que je sois déçu par une série parce que je suis tellement à fond dedans et j'aime tellement ça. Mais je m'implique pas au point de me dire ah ouais ça aurait été mieux comme ça. Et moi j'étais comme ça jusqu'à cette saison-là. Je comprends que plein de gens se plaignent de la fin de Game of Thrones, mais moi je m'en plains pas et les gens qui font une pétition, enfin je trouve ça juste. Non ça c'est bidon. C'est des fans hardcore. Ouais, mais ouais. Même, enfin c'est pas ton œuvre, t'as rien fait dedans. Et voilà, mais justement c'était ça ma question, c'est on l'a déjà vu là, c'est arrivé sur plusieurs séries avant. C'est le moment où les fans s'approprient un peu trop l'œuvre. Au point de vouloir eux-mêmes un peu gérer la chose, tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose pour la trilogie de Star Wars actuelle. Il y a eu les mêmes pétitions sur réécrire cette trilogie, faire en sorte qu'elle soit pas canon, etc. Ouais. Donc, moi, je suis... Enfin, il y a un moment où l'œuvre, elle te dépasse en tant que créateur, il y a un moment où ton œuvre, elle te dépasse. Si elle touche énormément de gens, quand tu fais une saison suivante, tu la fais pas juste pour ton plaisir. Toi, tu la fais pour... le pognon. Pour le pognon d'un côté, mais aussi pour répondre aux attentes des gens qui vont regarder démarche, en partie. Ouais. Je dis pas que c'est totalement ça, je vais pas dire que non, ça appartient à... Après, tu peux plus rien faire parce que personne n'est jamais content. C'est le moment compliqué. Ouais. C'est ça qu'il faut arriver à savoir faire, mais Breaking Bad, ils ont réussi à le faire très bien. On va en parler, parce que Walking Dead, c'est pas terminé encore. Non, mais sur les séries qui sont terminées, l'exemple que moi je connaissais le plus marquant, parce que je connaissais, c'était Dexter. Dexter que je regardais quand j'étais plus jeune. Et la saison finale que j'ai jamais regardée au final, mais dont tout le monde dit que c'est la fin la plus ratée de l'histoire de la série. C'est pas Lost. Séries. Ah, il y a Lost qui revient beaucoup. Lost, justement, j'avais une petite liste là. Les scénaristes ont reçu des menaces de mort. Oui, j'ai entendu dire. Ouais. Tu as regardé Lost ou pas? J'ai arrêté très tôt. Ouais, mais Lost, j'étais trop jeune, je pense. Ouais, voilà, quand j'ai pas compris, j'ai arrêté. Ouais, c'était ça. C'était un peu vite. Vraiment, la première saison était hyper cool. Je vais vous sortir la petite liste des séries qui reviennent comme. Les moins bien finis selon les fans. Donc on trouve Lost, évidemment. Ouais. Après, c'est souvent des séries un peu anciennes, entre guillemets. Fin... Donc là, j'ai sorti mon meilleur outil qui est Internet. Et quand on tape fin de série ratée, donc on a. Alors ça, c'est rigolo. Mon oncle Charlie, donc vous voyez peut-être pas ce que c'est. Ah oui, avec le petit Charlie Sheen. Ouais. Donc la série s'appelle Mon oncle Charlie en français parce que l'acteur s'appelle Charlie Sheen. Ouais. Ah, je le confonds. Et sur la fin de série, où son rôle a été remplacé par Ashton Kutcher. Ouais, ça j'ai vu. Parce que Charlie Sheen avait été en mésentente avec la prod et tout. Puis il arrivait de défoncer au tournage. Aussi. Ouais, voilà, bon, c'est Charlie Sheen, quoi. Il est un profil atypique, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, donc les fans étaient en mode la série tourne autour de lui, il y a Ashton Kutcher à sa place, bon bref. Je peux comprendre. Comme qu'a dit dans Ma famille d'abord. Non, j'ai pas suivi. Ma famille d'abord, vous voyez pas Ma famille d'abord? Si. À un moment, entre deux saisons, il y a Kadhafi qui a genre 8 ans, et la saison d'après, elle a 15 ans. C'est une autre actrice. À la base, elle est Renoir, après, c'est une métisse. Ouais. Ils ont fait genre rien ne s'est passé. Ah oui, d'accord. C'est trop drôle. Ça, c'est excellent, ça. Et donc, oui, dans ce qui revient souvent, donc il y a Lost, mais il y a aussi, alors je sais pas si vous avez regardé, How I Met Your Mother. Ça, moi, tout le monde en parle, de la fin. Ouais, parce que la fin, en fait, moi j'ai pas suivi. Pour ceux qui voient pas ce que c'est How I Met Your Mother, c'est l'histoire de Ted Mosby qui raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Mm. Et donc on suit sur, genre, je crois, 8 ou 9 saisons, l'histoire du New Yorkais à travers sa vie quotidienne, ses amis, tout ça, pour se rendre compte qu'au final, sur les derniers épisodes, la mère de ses enfants. Full spoil, hein, du coup. Ouais, bah oui, okay, bah là, bon, c'est bon, il y a prescription, la série, elle date un peu, quoi. Ça va. Sa mère, la daronne, en fait, elle est morte. Et en fait, il est avec la meuf qui avait kiffé depuis le début de la série. Okay. Et les fans étaient en mode, putain, on s'est fait chier 8 ans. Pour savoir qui pour savoir qu'en fait, il était avec la meuf avec qui il traîne depuis la plupart du temps dans la série, quoi. Ah, donc pas de surprise. Bah, nul. Voilà, quoi. Genre, les gens étaient. Alors, après, moi, j'ai bien aimé. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Mais je suis pas un fan au point de dire en mode. Oh. Mais c'est dur de juger une série entière sur l'épisode final. Ou mais en fait, comment finir une série? Ouais, c'est vrai. C'est compliqué. Enfin, ouais. Ah, déjà, il y a des films qui, dont on peut se dire que la fin elle est ratée parce qu'un film c'est un peu plus construit, on peut voir le déroulement plus facilement. Et surtout que tu es sûr d'avoir une fin pour un film. Finir. C'est vrai. Mais quand tu commences ton film, tu penses déjà à la fin, alors qu'il y a des séries qui se lancent sans jamais imaginer la fin. Au final, les fins qui m'ont le moins frustré, c'est les fins de séries qui ont été déprogrammées. C'est genre Utopia qui a genre 3 saisons qui devait finir sur la 4e. C'était vraiment trop bien et je pense que c'est la série que j'ai préférée. Pourtant, je l'ai regardé quand j'étais gosse et tout. Ouais. Et gosse, j'avais genre 14 ou 15 ans, tu vois. Et je l'ai trouvé vraiment incroyable. Et ça s'arrête sur un cliffhanger, en fait. Parce que ils étaient censés avoir une saison 4. Oui, c'est ça. Ça n'a jamais été produit. Et ça a été annulé. Okay. Et au final, c'était la même chose pour toutes les séries que je regardais à cette époque-là, en fait. Genre American Odyssey. C'est des séries bidons que je regardais parce que je voulais pas être comme tout le monde, parce que j'étais un connard. Et ça revient souvent. T'as pas changé. J'ai parlé à l'imparfait, parce que je ne le sais plus. Et j'ai regardé Game of Thrones. Et Infinity War. Qui n'est pas une série. Qui n'est pas une série. Bon. Une saga. Saga cinématique. Oui, mais est-ce que ça. Je voulais en parler après. Ouais, en fait, c'est un peu considéré comme une série. On en parle après. Ouais. On en parlera après. Mais oui, en fait, les fins de séries qui m'ont moins frustré, c'est des fins qui sont forcées, en fait. Alors, ouais. Justement, à contrario, les séries qui sont considérées comme avoir une bonne fin, ouais. Ce qui revient le plus souvent, et vous en avez parlé, c'est Breaking Bad. Bah ouais. Bah oui. La fin de Breaking Bad, pour ceux qui ont regardé parmi nos auditeurs, je sais qu'il y en a beaucoup, est considérée comme bonne parce que masterclass. Ouais. Elle n'est pas frustrante, en fait. Ouais. Est-ce que finalement, finir une série, c'est faire en sorte que personne ne soit vraiment frustré? C'est compliqué, hein. Tu pourras jamais contenter tout le monde de toute façon. Enfin, il y a forcément des gens qui ont été déçus de Breaking Bad, d'autres qui ont été hyper heureux de la fin de Game of Thrones. Mais c'est impossible que tu arrives à rassembler tout le monde sur un épisode final, alors que tout le monde aime les personnages à sa façon. Tu vois, en fait, je pense que on n'a pas tous le même rapport avec la série, quoi. Ouais, mais je pense que ce qui était compliqué, c'était la gestion du destin des personnages. Tu vois, genre tu t'arrêtes là, et ça veut dire que quand tu t'arrêtes, les personnages ont quand même une vie après. Ouais. À la fin de Breaking Bad, bof. Mais mais en fait le destin de chaque personnage il est bouclé, tu vois. Ouais. Et on sait ce qui va se passer. Et le problème, je vais revenir sur Game of Thrones, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages et que tu peux pas boucler tout. La mission c'était que en 6 épisodes il fallait boucler l'histoire et le destin de une vingtaine de personnages. Il y avait trop d'intrigues qui se juxtaposaient, quoi. Et du coup c'était, enfin, il y en avait tellement que soit fallait faire mourir les 3 quarts. Soit fallait que ce soit vachement élaboré et t'avais pas le temps de préparer quoi que ce soit. Et je pense que le vrai problème. Soit fallait une suite. Il aurait fallu une suite. Bon, voilà. Ouais. Mais, c'est ça le souci. Mais finir une série pour la finir, c'est bien, mais si elle se finit mal, est-ce que c'est pas parce qu'il en manquait? Moi, je pense. Est-ce que Game of Thrones méritait pas une deuxième saison? Moi, je pense qu'il aurait fallu une saison post-guerre froide, là. Guerre avec les morts, tu vois. Qu'on ait une fin de saison 8 après sur une fin de saison 8. En fait, moi, ce que je disais à mon pote François, ça paraissait plus cohérent aussi. Ouais. C'est ce qui aurait été cool, c'est de finir. Ça représente un arc entier, quoi. Ce qui aurait été cool, c'est de finir la saison 7 sur le tout début de l'attaque de la bataille de Winterfell. Ok. Parce que comme ça, tu la faisais en 10 épisodes. Ouais. Comme ça finissait sur l'épisode 10, c'est le début. Ok. Tu commençais la saison 8 sur cette bataille et ce qui en suit. Tu finis sur. On va avoir chaud à. Enfin, on va se taper avec la reine parce que machin. Et la saison 10, c'est tout le jeu de pouvoir qui s'arrête à peu près à la moitié. Ouais, et après. 10 saisons, toi. Non, la saison 9, pardon. C'est tout le jeu de pouvoir jusqu'à l'épisode 5. Et après l'épisode 5, c'est on prépare, enfin on explique les destins de chaque pélo et ils s'en vont. Ouais, est-ce que c'est pas trop long? Enfin, on va faire vite parce qu'il y en a peut-être qui ont pas vu et qui s'intéressent pas vraiment à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que, oui, Game of Thrones, bon, tout le monde est d'accord pour dire que, bon, à la fin, on sait de la merde. Je suis plus mitigé. Ouais, ouais, mitigé. Moi, enfin, bon, j'étais arrivé à un point où j'arrive pas à être triste parce que ça, genre, c'était tellement ouf. Et parce que voilà, on se rend compte que les saisons d'avant étaient suffisamment bien pour qu'on se. Tu peux pas lui en vouloir pour 2-3 épisodes à la fin qui cassent un peu le truc. Bon, la morale de cette histoire, c'est que Disney, c'est des fils de. Voilà. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et voilà. Mais parmi les bonnes séries qui. Alors, c'est marrant parce que je regardais les séries qui étaient considérées comme avoir une bonne fin. Ouais. Et je tombe sur How I Met Your Mother. Il y a des médias qui considèrent que How I Met Your Mother, la fin est bien, tu vois. Ah ouais. Donc, est-ce que finalement la morale, c'est pas une série, t'en fais ce que t'en veux et que t'aimes ou t'aimes pas, de toute façon, voilà quoi. C'est pas une bonne conclusion ça. De toute façon, voilà quoi. Je pense que c'est comme ça qu'ils font. Mais en fait, en vrai, le problème, c'est que ces séries-là qui ont beaucoup de succès, et, comme tu le disais tout à l'heure, enfin, comme Mathis l'a dit aussi, ça peut pas combler tout le monde. Donc, de toute façon, on sait tous qu'une série se termine pour des causes budgétaires la plupart du temps. C'est rarement une question de scénar ou parce que les gens ils en ont marre de travailler sur le même projet pendant tellement longtemps. C'est ça, Walking Dead, putain. Ouais, je me suis arrêté à 5 et je trouve que c'est déjà pas mal. Bah là, tu vois, c'est une série où vraiment je suis déçu de ce qui s'est passé, mais je pourrais jamais m'en détacher. Alors imagine, cette série aura une fin. Je sais pas, ils ont rien prévu parce qu'en fait ils suivent les BD et les BD sont en cours, ça continue. Putain, si Game of Thrones ils suivaient les bouquins. Et en gros, ils ont pas du tout prévu de fin et ça continue. Et c'est vrai que c'est souvent décevant, mais je peux pas m'empêcher de regarder parce que c'est la série de cœur, la série d'habitude. C'est comme ça quoi. Ouais, mais je comprends. Après, moi, à chaque nouvelle saison, on me disait genre, t'es toujours amoureux d'une vieille ex. Et ben là, The Walking Dead, c'est pareil. C'est l'ex qui te tient à la peau. C'est l'ex à qui t'as toujours envie d'y revenir. Tu vois. À chaque nouvelle saison de The Walking Dead, on me disait ouais, mais tu regardes cette saison là. Elle remonte un peu, c'est un peu mieux. Tu j'ai vois. Dit ça énormément de fois. Voilà, ça, je l'ai tellement entendu que j'ose pas bien remettre. J'en ai marre d'être le seul à regarder cette série. Regardez The Walking Dead, c'est génial. Enfin voilà, c'était une sorte de. Voilà, un grand débat autour de comment finir une série. Voilà. Et moi, ce que je commence à kiffer, c'est les séries plus courtes. Comme je parlais de L'Attaque des Titans, bon, ça c'est un animé assez différent. Mais plus court en épisode ou plus court en épisode. Ouais. Et on en a parlé ensemble, j'ai regardé Bonding. Si on a j'ai regardé. J'ai commencé à regarder. C'est beaucoup trop bien. Ouais, c'est vrai. C'est marrant, je me suis arrêté. C'est rythmé. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, j'ai oublié que je regardais, je crois. Mais est-ce que t'as envie d'avoir une saison 2 ou tu t'en fous? Non, moi je dirais. Bah, non. Tu vois, en fait, le problème de. Enfin, le problème. C'est très drôle, by the way, on recommande. Ouais, je recommande de ouf, c'était une de mes recos, donc nique. Mais c'est super drôle. Le fait que t'as pas spécialement envie d'en voir plus, c'est qu'on développe pas de ouf les personnages, juste c'est des gags tout le temps. Ouais. Mais c'est vachement bien fait. Moi, ça m'a. Enfin. C'est assez attractif dans le sens où à la fin d'un épisode j'avais grave envie de mater l'autre. Je l'ai maté en une soirée. Et, j'ai mis 2-3 jours. Et voilà, tu vois, les séries un peu plus courtes, là dans celle-là par exemple, il manquait juste plus d'implication des personnages et vraiment une saison 2, je la bouffe de suite. Tu vois. Et moi je pense clairement qu'une série n'a pas forcément besoin d'une saison 2, tu vois. Ouais, Parce que moi je pense souvent à une des meilleures séries que j'ai jamais vues de ma vie, c'est la saison 1 de True Detective. Ah ouais. Que je considère comme. Vraiment, genre, elle était vraiment parfaite, tu vois. Ouais. Et ça prouve vraiment que t'as pas besoin de. Ouais. Tu peux juste faire un film qui s'étend sur une plus longue durée, quoi. T'as pas besoin. Si ton histoire, elle tient pas sur le format film, fais une série. S'il y a qu'une saison, c'est pas grave. Ouais, ouais. T'as pas besoin de faire des saisons 2, tout ça. Mmh. Et pour rebondir sur ce que tu disais, sur les séries au format plus court, DBZ est considéré comme une série qui a une fin de merde. DBZ ? Ouais. Ouais. Ah bon ? Bah ouais, la bizarrement, j'ai regardé sur internet, ça revient quelques fois, c'est pas ce qui revient le plus souvent, mais ça revient de temps en temps. La fin de DBZ, c'est la fin du combat contre Boo. C'est la fin de l'arc Boo, ouais. Qui est incroyable. Bah ouais, mais les gens considèrent que. Bah c'est surtout GT, je pense, qui vient mettre un peu de la merde dans GT, les deux. GT, c'est la suite et les gens aiment. C'est la suite où Goku coup... il est jeune et Vegeta a une moustache. D'accord, okay. Ouais. J'ai envie de jeune. Ouais, Goku il redevient jeune. Non, c'est Goten. Non, non, c'est Goku. Goten, il est là, mais on s'en fout. Et Goku, c'est là qu'on voit Trunks du futur, qui est en fait le Trunks du présent. Non, compliqué c'est pour les gens qui n'ont jamais vu Dragon Ball Z. Oh, Trunks du futur, il est dans Dragon Ball Z. Et on voit Sangwan vieux, par contre. Mais ça, c'est une autre histoire. Et on voit Trunks vieux. Ouais, bref. Bref. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on adore les séries, qu'on en bouffe beaucoup. Et que c'est pas grave si un jour elles ont une fin. Je veux dire, il faut bien que ça se termine un jour. Mais alors, je voulais juste en placer une dernière. Je sais que t'as envie de finir, mais. Non, mais c'était pour fluidifier la chose. Un petit dos. Ceux que les gens se fassent chier en Marvel, écoutant, y a pas de problème. Y a pas de problème. Le Marvel Cinematic Universe, par exemple, qui s'est conclu avec Endgame. que je n'ai pas vu. Que t'as pas vu. Ah, ah la vache. Pas de spoil, pas de spoil. Ah, c'est dur. J'attends le streaming. Attends, on est à un mois, deux mois, on a le droit de spoil. Ouais, non, non, c'est mort. Attendez, non, non, c'est pas ça la règle. Et donc, à la fin. Alors, j'ai failli vraiment le faire en flex. Mais Infinity War, c'est vraiment la fin de 23 films. Qui Endgame. 23 Ouais, 23. Oui, Endgame. Mais c'est pas le dernier cycle, on est d'accord. C'est pas le dernier cycle, mais c'est la fin des 10 piges depuis 2008. Ah, mais j'ai pas tout compris, d'accord. Okay. Ça va être compliqué de pas spoiler et de continuer. Là. Non, mais, je veux juste, je veux pas spoiler, mais en fait, quand tu regardes, moi j'ai, avant de regarder Infinity War, donc l'année dernière, par Endgame, j'ai refait tous les Marvel, tous ouais. d'affilée, avec. Ce que j'ai fait aussi. Ouais. J'ai vraiment fait l'enculé, j'ai regardé tous les bonus DVD, tout. Tout ah tout, oui parce qu'en fait, dans les bonus moi j'ai zappé d'Iron Man aussi. En fait, dans les bonus DVD, il y a des scènes qui se passent entre les films. Des petites, c'est des courts-métrages qui durent genre jusqu'à 15-20 minutes. Et il y a des personnages qu'on voit dedans, qu'on revoit dans les autres films, et qu'on eu. Enfin, t'as l'impression que c'est juste des randoms, et en fait, tu. Mais c'est les post génériques ou c'est. Non, non, non, c'est des vrais courts-métrages en fait. Ok. Et en gros, c'est des mecs que tu les vois dans les vrais films, et ils ont l'air d'avoir un poste important, machin, mais tu sais pas qui c'est juste des figurants. Ouais. Et en fait, quand t'as vu tous les petits trucs entre deux, tu te rends compte que c'est vraiment des mecs, des gars importants, enfin, bref, voilà. Okay. Mais juste, ce que je veux dire, c'est que quand tu le mates tout à la suite. Ça fait vraiment un format série et Endgame peut être considéré comme la fin d'une série, tu vois. Ouais. Et vraiment, c'est une bonne fin. Moi, je l'ai kiffé. Je verrai d'ici peu. Ouais. Et très franchement, Marvel, on peut cracher dessus, c'est ce que j'ai fait jusqu'à très longtemps. Mm. Jusqu'à ce que Infinity War sort et que j'avais envie de comprendre ce film. Ouais. Du coup, je me suis fait tout le cycle ouais. en zappant les Ant-Man et Iron Man parce que ça me saoulait. Et peut-être d'autres aussi, je sais plus. Et les Thor que j'avais déjà vu, je crois. En fait, il a maté Hulk. En fait, j'ai pas vu Hulk non plus. J'ai dû voir deux films en tout, je pense, du coup. Non, mais tu sais, c'est des films que j'ai déjà vus, voilà, je les ai déjà vus bref. Et Infinity War, c'est un bon divertissement, c'est très bien. Mm-hmm. Donc j'attends de voir Endgame, dès qu'il sort au cinéma. Eh ben, review de Florian sur Endgame pendant l'épisode 15. Yes. Mais j'adore que ça gratos sur Internet, en fait. Ouais. Je voulais pas mettre mon argent pour Marvel. Je vais au cinéma que pour voir Star Wars, moi. Donc, Ah oui, c'est vrai, putain. D'ailleurs, bientôt Star Wars. Bref. Ouais, ouais, on en parlera quand il sortira ce Noël. On va faire une spéciale Star Wars. C'est sûr. Et c'est sûr. Et on va les insulter. Ah ouais Inch. Mais moi, j'arrive pas à être déçu, je te dis. Non, moi, j'aime bien. Mais moi, à chaque fois que je les vois, je suis en mode waouh. Et genre, j'y repense. Et je suis en mode. Ah, ouais, mais. Ah, ouais, et je le revois et je suis en mode. Oh non. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je vous les ai fait en onomatopée. Mais je comprends un peu ton ressenti devant le film à chaque fois. Mm-hmm. Mais moi, je te dis, j'arrive pas à être déçu. Déjà, à partir du moment où je paye ma place, j'arrive pas à être déçu. Moi, j'étais c'est comme ça. Quand je vais au restaurant, je paye ma pizza, elle est dégueulasse. Je dis, ouais, elle est bonne. Elles sont bonnes, mais pas de moi, 15 les, euros. Moi, les films, 15 balles. Non, ça les vaut, ça les vaut. Attends, tu bouffes des pâtes au restaurant. Il y en a, ils font ça. Mais j'en bouffe tous les jours des pâtes. Mais moi aussi, ça me fascine. Quand je vais au resto, je bouffe pas des pâtes. Il y a des gens, ils vont au resto pour bouffer des pâtes, ça me fascine. Y a pas moyen. Je bouffe des pâtes au resto. Ah, putain, mais ça me fascine. C'est que ça, c'est les gens qui ont trop de sous. Ils en mangent pas assez chez eux. Ouais, c'est ça, t'en manges pas chez toi, c'est pas possible. Je mange que du caviar, donc aucun intérêt de manger des pâtes au resto. I want this forever, just you in the grotto, with nothing but your nights on, keep the fucking lights on, same again tomorrow, we don't need no bottle, purple color lip gloss, room at the saguaro, ain't nowhere I would rather be, right between your holidays, coffee on the Flintstone, jewelry on the ottoman, baby let me in, for I get way too adamant about it, love the way you shiver, dig into my shoulder blades, feel it when you quiver, higher level, elevate. You could be the renegade, body to a glide. Harrison and Juliet, legends never die. The TV hasn't worked in ages, probably got a shorter cable. Way too busy fucking on the sofa or the kitchen table. Is my vision hazy? You look like you're someone famous. Cause you're the next Drew Barry. And I want more. And all these other girls keep wondering what I fuck with you for. Cause you're the next Drew Barry. Yeah. And I want more. And all these other girls keep wondering what I fuck with you for. Yeah. Cause you're something like the summer, kinda like a hurricane, sweeping through the desert. Hot Americana rain, falling wearing nothing but my Lauryn Hill shirt. It's kinda baggy on you, baby, but it worked. The AC hasn't worked in ages, I could probably read the label. Way too busy fucking on the counter or the coffee table. Am I hallucinating? Why do you look hella famous? Cause you're the next Drew Barry. And I want more. And all these other girls keep wondering what I fuck with you for. Cause you're the next Drew Barry. Yeah. And I want more. And all these other girls keep wondering what I fuck with you for. I wanna make every single moment for you great. Fly away to Cairo or LA. Girl, I want it, I don't wanna waste time, waste time. I wanna make, yeah, every single moment for you great, yeah. Fly away to Cairo or LA. Girl, I want it, I don't wanna waste time. Cause you're the next Drew Barry. And I want more, yeah. And all these other girls keep wondering what I fuck with you for. You're the next Drew Barry, yeah. And I want more. And all these other girls keep wondering what the fuck with you for. Énorme son, j'ai trop kiffé. Merci de l'avoir lancé. Et c'était quoi? Faut dire aux gens ce que c'était. C'était Drew Barrymore de Bryce Vine et Whale. Et hyper stylé, ouais. En vrai, j'ai kiffé. Très sympa. Ouais. J'étais vachement bien. Détente, un peu caliente. Ouais. Pour l'été. Non, vraiment, c'était chambre. Non, c'est très summer vibes. Exactement. J'aime bien l'idée. Summer mojito. Exactement. J'adore le mojito. Parlons-en. Parlons-en. Hashtag fan club mojito. Réagissez évidemment dans les commentaires. On attend Village Schwab. Sur les réseaux sociaux également. Barry, j'imagine que t'es pas venu les mains vides. Si. Merde. C'est dommage parce qu'en ouais. En même temps t'es chez toi donc c'est un peu normal. Ouais non je rigole, je suis pas venu les mains. T'as bien préparé un petit quelque chose à nous raconter. En fait j'ai pensé à, je crois que c'était l'épisode 3 où tu nous, et Florent nous a fait une déclaration d'amour à je sais plus qui c'était. Alexandre Astier. Alexandre Astier. Et je me suis dit, vous savez quoi, vous le savez en général, mais les gens qui écoutent ne le savent pas forcément. Mais il y a quelqu'un que j'aime dans la vie. C'est pas trop à la mode de l'aimer en ce moment, mais je ne choisis pas. C'est Kanye West. Ok, d'accord. C'est Marine Le Pen. Donc j'avais envie de vous raconter un peu, vous parler de Kanye West et vous dire pourquoi je l'aime bien. Ok. Et du coup, je voulais commencer par vous raconter un peu sa vie. Le mec est né en 77 à Atlanta, mais il déménage à Chicago. Et en fait, il vit dans une famille pas bourgeoise, mais middle class, random, ouais. Quoi. Et il fait un peu de musique, tu vois. Et il commence vite, il commence vite à faire du rap avec ses potes. Et en fait, son rêve, ça devient très très vite au lycée d'être rappeur. Il veut être rappeur, il veut faire du rap. Mais le problème, c'est qu'il est nul. Okay. Et du coup, personne ne veut de lui pour qu'il rappe, tu vois. Et du coup, il commence à se mettre à faire des prods, à des instrumentales et tout ça, pour rapper dessus, parce que personne ne veut lui faire des prods. Parce que vraiment, tout seul, il est pas du bon. Et en fait, il se révèle être un génie. Il est incroyablement fort à faire des prods. Et du coup, il est repéré rapidement par le label Rockefeller, qui est le label de Jay-Z. Et en gros, en 2001, il passe dans l'album de Jay-Z qui s'appelle The Blueprint, et il produit un morceau que je vais vous passer très rapidement. Ça fait bouger la tête, hein. Voilà, en gros. Ça donne très envie. T'as vu, ça fait bouger. Non, ouais, et en fait, je voulais. C'est pour ça que je voulais vous le passer, ce morceau. C'est parce qu'en fait, ça résume vraiment bien ce qu'est la technique de production de Kanye West à cette époque-là. C'est, on prend en général des voix. Là, c'est pas des voix, mais en général, on sample une voix ou un rythme, enfin, une mélodie. Très répétitive, et par-dessus, il rajoute ses batteries à lui et ses productions à lui. Là, on n'entend pas trop parce que c'est un morceau qui est fait vraiment pour Jay-Z et assez, qui lui laisse assez de place. Mais en général, ouais, il rajoute son petit synthé, sa batterie et tout ça. Et ça fait un truc super élaboré que je trouve super intéressant. Hey, salut à toi, jeune auditeur. C'est Barry du futur, du montage de après. Bah oui, c'est long, en effet c'est long, et en fait, pendant que je faisais le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de dire un truc, deux trucs d'ailleurs. Évidemment, le morceau sur lequel j'ai découvert Kanye West, c'est pas Harder, Better, Faster, machin, c'est bien évidemment American Boy avec Estelle, que tous les gens normalement constitués adorent, Et ensuite, ce que j'ai oublié de dire et qui est très important, c'est la façon dont Kanye West décroche son premier contrat de rappeur. En fait, il était beatmaker à temps plein chez Rockefeller, le label de Jay-Z. Et en fait, en plus, il restait dans les studios pour bosser ses projets de rap, enfin ses projets perso, quoi. Et un jour, enfin en gros, il dormait très peu parce que du coup, il faisait deux taf en même temps, quoi. Et un jour, il est rentré très très tard, il était épuisé, il s'est endormi sur la route et il a un accident. C'est pour ça qu'il a la mâchoire rentrée. Encore maintenant, on voit qu'il a une tête un peu bizarre. Et c'est après cet accident que le label se dit, bon, on va lui laisser tenter sa chance parce que quand même, il en veut, machin. Et il enregistre un morceau sur son lit d'hôpital. Enfin, pas, il est plus sur son lit d'hôpital, mais il a encore la mâchoire reliée. C'est le morceau qui s'appelle Through the Wire, donc entre les fils, quoi. Et je vais vous le faire écouter. Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop? I spit it through the wire, man. Too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shottown, what's going on? Yeah, I drink a boost for breakfast, an intro for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. Voilà, c'est la fin de la minute du futur. Je vous relaisse avec les boys. Salut. Et en fait, moi, j'ai découvert Kanye West justement de cette façon-là. En fait, j'étais. Ouais, on va entendre la pluie. Je m'excuse. J'essaierai de faire ce que je peux au montage. Rip. Mais RIP vos oreilles. Et en gros, moi, j'ai découvert Kanye West en 2013. J'avais déjà écouté des morceaux de lui, comme tout le monde, des morceaux qui étaient passés à la radio. Mais en fait, mon pote Simon, au lycée, Simon que tu connais, ouais, bien sûr, m'a passé une clé USB. Ouais, gros big up à Simon s'il écoute. Je sais pas s'il sera là, mais SO à toi. Et en fait, il m'a passé une clé USB. Et dedans, il y avait un album de Rick Ross. Ouais, c'est terrible. Là, on va vraiment entendre la pluie. C'est pas grave. Il y avait un album de Rick Ross. Un album, c'était Mastermind. Un album de Hocus Pocus, c'était 73 pièces. Un album de Stevie Wonder. Je ne sais plus comment ça s'appelait, et Graduation de Kanye West, parce qu'il y avait un morceau dedans qui s'appelait Barry Bond. Et qu'à cette époque-là, j'étais au conservatoire, on faisait de la musique ensemble, on faisait des trucs, enfin, on faisait du jazz, de la musique actuelle, etc. Et du coup, on était à fond dans notre délire funk et tout ça, ouais. Il y avait une grosse ligne de basse sur ce morceau-là, et du coup, il me dit, écoute ça, c'est vachement bien. Et moi, j'écoute, et je pète les plombs. En gros, à cette époque-là, c'était le moment où je faisais pas mal de classiques au conservatoire, et je cherchais vraiment. Pas la virtuosité, mais tu vois le côté très très réfléchi du classique dans la musique de maintenant. Ok. Et dans cet album-là, tu l'as trouvé. Je pète les plombs. C'est vraiment, vraiment ce que je cherchais. Et du coup, je vais vous faire écouter un des sons, mon son préféré, je pense, de Graduation, que je sais que Mathis connaît, je sais pas si tu connais. C'est. J'ai très peu de culture rap. Hein. Good Morning. Incroyable. Good morning. Good morning. Good morning. Et en gros, ce son, ça résume à peu près ce que je vous disais tout à l'heure. Il a samplé des voix, il a sa batterie à lui, son synthé à lui derrière, ouais. Et c'est incroyable. Après, il rappe dessus. Toute l'instru, c'est lui tout seul. C'est lui tout. En fait, à cette époque-là, c'est le moment où il commence à vraiment s'entourer. Okay. Là où il. Et ce sera surtout sur l'album d'après. Mais là, Graduation, c'est son troisième album. C'est l'album où il commence vraiment à avoir une grosse team avec lui. Parce que ça, c'est terrible cet album. C'est le moment. Ouais, c'est le moment. En fait, c'est cet album qui sort en 2005, je crois. Et c'est le moment où il devient une star. En fait, il devient une star du rap. C'est dans cet album-là qu'il y a le remix de Harder, Better, Faster, ouais. Stronger de Daft Punk. Donc, le morceau qu'il a fait en collaboration avec Daft Punk. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu Kanye West. Ouais, moi aussi, c'est le premier morceau dont je me souviens de lui. Enfin, dont je me souviens, et je savais que c'était lui. Et en gros, voilà, c'est cet album-là où j'ai vraiment fait. C'est incroyable et tout. Et j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Ton amour est né de Kanye West à ce moment-là. Mon amour est né à ce moment-là, mais j'avais pas encore tout compris, surtout j'avais pas écouté ce qu'il y avait avant. En fait, jusqu'à il y a pas très longtemps, j'étais vachement dans un délire de. Pas je sais tout, mais genre j'ai pas besoin d'en savoir plus. Okay. Et donc j'écoutais les bails que je connaissais et que je kiffais et je cherchais pas à découvrir plus de choses. Donc ouais, c'est là que mon amour naît, en gros. Et vous, vous connaissez Kanye West depuis longtemps ou pas? Depuis Harder, Better, Faster, Stronger. Ouais. Je pense pareil en vrai. Ouais. Je pense, je suis pas sûr. Mais... Parce que en fait, on l'avait déjà entendu avant dans plein de morceaux, dans plein de même de hits un peu de l'été, un peu carré, parce qu'il produisait partout. Ma meilleure amie de Laurie, c'est lui. Ma meilleure amie de Laurie, c'est lui. Vrai. Elle me contrôle, Dame Pokora. C'est pas vrai. Ça Ainsi que On s'attache. Christophe Maé. Il est partout. Il est on partout. Sent, mais on sent la petite touche Kanye West. Ouais, non, mais ouais. Et puis il a un truc avec le avec la France. C'est ouais. Voilà. Et non, plus sérieusement, en gros, après cet album-là, il y a l'album qui sort en 2008, c'est 808. And Heartbreak, mm-hmm. qui est c'est la pochette avec le petit cœur, toute grise avec le petit cœur. Ah la pochette violette, c'est Graduation avec l'ours qui vole. Ah voilà, ouais. Ça c'est Graduation. Okay. Ça c'est quelle année Graduation? Graduation c'est 2007, il me semble. Okay. Et 2008 c'est 808 and Heartbreak. Et cet album, il a une partie, alors un truc marrant, c'est qu'il sort là à deux jours d'intervalle, il sort au même moment que 09 de Booba. Et ces deux albums qui ont la même trajectoire, parce que ces deux albums qui sont détestés par les leur public très proche, parce que pour la même raison, ça c'est l'instrumentalisation de l'autotune. C'est les premiers albums qui instrumentalisent l'autotune. Okay. Avant ça, il y avait T-Pain qui le faisait et c'était horrible. Ouais. Et enfin, c'était pas horrible, mais c'était genre. C'est T-Pain quoi. C'était T-Pain. Fallait aimer les robots qui chantent. Et ces deux albums-là sortent le même jour. Enfin, genre, je crois qu'il y en a un qui sort le 25 et l'autre qui sort le 27 novembre. C'est le début de l'autotune quoi. Ouais, et c'est la première instrumentalisation de l'autotune qui a créé vraiment toute la trappe de maintenant. D'accord. Toute la musique de maintenant en fait, parce que maintenant même. Même dans la pop, il y a des grosses utilisations d'autotune, etc. Ouais. Et je vois ça marrant. Et du coup, je voulais vous faire écouter, évidemment, une preuve de ce que j'avance avec le morceau Say You Will, qui est, je pense, le meilleur exemple dans l'utilisation de l'autotune. Hop. Why would she make calls out the blue? Now I'm awake, sleeping soon. Hey, hey, hey, don't say you will. Unless you... Donc voilà, en gros, c'est ce dont je vous parlais. En fait, il abandonne pas sa technique de production qui est vachement bien, enfin que j'aime beaucoup. Là, on entend encore les voix en arrière-plan. Mais c'est plus un sample pour le coup, ce morceau-là. Et je crois qu'il y a presque rien qui est samplé, à part les sons de la batterie. Sinon, c'est lui qui a produit tout. La chorale, c'est à partir de l'album d'avant, il commence à s'entirer de beaucoup de gens. Et en gros, la chorale, sur chaque album, t'as l'impression que c'est juste des randoms. Et en fait, c'est des noms incroyables. C'est genre Fergie, Paul McCartney, ah ouais, Rihanna, Frank Ocean. C'est incroyable. Et surtout, là où c'est le plus marquant, c'est sur l'album d'après, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ouais, ce morceau, on l'entend vachement, de la voix un peu robotique, c'est vraiment les prémices de l'autotune. Et pour cet album-là, il a beaucoup de critiques négatives. On lui reproche un peu de plus rapper, de machin. C'est pas ta vraie voix, c'est pas ton talent. Voilà, et c'est vraiment le début des critiques qu'on entend toujours, en mode l'autotune, c'est de la triche. On l'entend un peu moins ça. Hein. On l'entend moins en ce moment. Ouais. Il y a intérêt, parce que ça fait vraiment 9 piges qu'on entend que ça. Mm. Mais... et voilà. Mais c'est devenu OK quoi. Ouais. Et en gros, cet album-là, il tombe juste après sa rupture avec sa femme qui était Amber Rose, je crois. C'est pas intéressant. Et donc. C'est une rappeuse, ça, non? C'est possible, je sais pas. Enfin, elle sort beaucoup avec beaucoup de rappeurs. Mais je sais pas si elle est rappeuse. Et en fait, juste après. Si tu sors avec des rappeurs, ça fait de toi une rappeuse. Ouais, et en gros, après cet album-là, en 2009, c'est le moment où il pète un peu les plombs. En gros, sa meuf le quitte. Il vit extrêmement mal le succès et la façon dont sont traités entre guillemets les stars, genre on le suit partout, ils ont plus... oui non voilà, c'est un peu un problème de riche, tu vois, mais ouais, voilà. Et en gros, il pète les plombs et ça se voit le plus en 2009. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette histoire, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Taylor Swift gagne le Grammy du meilleur clip en face de Beyoncé. Ouais. Et en gros, Taylor Swift gagne le prix. Mais on en a entendu parler de ouf. Taylor Swift a gagné le prix, il monte sur scène, il fait ouais, il chope le micro de Taylor Swift, il fait ah, excusez-moi, pull up la soirée, on arrête tout, bravo Taylor Swift, mais c'est Beyoncé qui le méritait. Tu vois. Ah oui, voilà. Oui. Okay. À partir de là naît la guerre avec Taylor Swift. De là naît la guerre avec Taylor Swift, qu'on a revu dans le morceau Famous sur Les Eyes for Pablo. Mais en gros, c'est pas vraiment une guerre, mais c'est les gens commencent à se dire c'est un égocentrique, un gros con, Il y a une guerre entre qui et qui? Attends, je suis désolé, j'ai pas les références. La guerre entre Taylor Swift et Kanye West. Il y a une guerre entre Taylor Swift et Kanye West. Il y a pas vraiment, enfin il y a plus vraiment de guerre, mais sur le coup, ça a vraiment créé. Bah il y a eu un truc quand même. Ah oui, ouais, parce qu'il a fait le con, quoi. Sur le coup, oui, parce qu'il a fait le con. Par entre guillemets, enfin pour elle. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment eu un. En mode, tout le monde détestait Kanye West, sauf les proches et les. Parce que tout le monde adorait Taylor Swift et qu'elle s'est fait chier dessus. Et surtout parce que vraiment, elle gagne son premier Grammy. Il arrive, il dit que c'est de la merde. Ah, ça le fait mal, tu vois. Angoisse. Et ok. Et c'est le début des, enfin le début non, parce qu'il avait déjà un ego incroyable. Gros boulard. Mais c'est le moment où vraiment le grand public commence à détester Kanye West, à dire oui bah c'est un rappeur à un ego surdimensionné, machin et tout. Et en fait le truc c'est que c'est le moment où il devient un peu fou. Enfin pas un peu, il perd la tête parce que. Peut-être lié. C'est lié, je pense. Ouais. Enfin c'est l'expression du moment où il devient fou, tu vois. Mais est-ce que c'est un personnage pour toi ou c'est. Non moi pour moi c'est juste c'est un mec qui. Sa personnalité. C'est un mec qui est enfin qui a pété les plombs ouais. Avec comme je te dis ah mais non je voulais pas expliquer pardon. Entre 2008 aussi. Entre 2008 et 2009. Bien vu les références Florian. J'ai très peu de culture rap US mais au niveau FR ça, nah, on est là. Ça, ça se débrouille. En gros, Christophe Maé. En gros en 2009 après s'être quitté par sa femme il offre à sa mère la liposuction dont elle a toujours rêvé, problème de riche encore une fois, okay. Et l'opération se passe mal et sa mère meurt. Ah la vache. Et en gros, il a tué sa mère. Et en gros, je vais se faire sucer. C'est très dangereux. Ne faites pas ça mes enfants. Et en gros, c'est là où il perd un peu les pédales parce que on l'aura vu plusieurs fois dans les albums précédents. C'est ouf, c'est sa mère, c'est l'élément central de sa vie. C'est elle qui l'a permis de se mettre à la musique, etc. Son père, il a grandi sans son père et du coup, je crois qu'il est fils unique, donc c'est lui et sa mère. C'est vraiment, ils sont vraiment soudés et le fait que sa mère meure par sa faute pour lui, ça l'a fait péter les plombs. Et la première expression de ça, c'est le truc sur avec Taylor Swift au Grammy. Et en il gros, il pète un câble de manière générale. Il pète un câble de manière générale. Il a plusieurs internements à ce moment-là. Et il en aura d'autres après. Mais entre temps, il sort de cure, je crois. Je sais plus si c'est avant ou après cet album-là. Mais en gros, il convoque tous ses potes. Donc ceux dont je vous parlais. Il ramène Nicki Minaj, Rick Ross, Paul McCartney, tous les gens connus qui font de la musique. Et il les ramène dans sa villa à Honolulu. Et on va faire de la musique. Et pendant genre un mois, ils font de la musique. Et en gros, ce qui en sort, c'est l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy, la pochette rose avec la petite image au milieu, la petite danseuse au milieu, qui est sur tous mes murs. C'est là-dessus qu'il y a le son avec McCartney et Rihanna dans ce le son avec McCartney et Rihanna sort pas dans cet album, mais il est produit ce moment-là. Okay. Et en gros, je vais vous faire écouter un extrait, c'est l'extrait de All of the Light, qui est le summum de ce qu'il a pu faire d'incroyable. En gros, on est à l'époque de Light, d'accord. Donc ça sort en 2011. Donc il s'est pris genre 3 ans, 2010 pardon, il se prend 2 ans où il fait rien, et son boulot c'est de faire un bon retour, et en gros il arrive sur la scène des, je crois que c'est genre BBC Awards, un truc comme ça, c'est les Awards de d'Angleterre, on n'a rien entendu de lui pendant, non c'est les British Awards, on n'a pas entendu parler de lui pendant genre 2 ans, et il revient, et il fait ce morceau en live, il fait l'intro de l'album, bon, c'est pas la question, mais en gros il le fait en live, et c'est incroyable, et tout le monde pète les plombs, et en gros cet album, ce morceau là, All of the Light, c'est pour moi exactement tout ce que je recherchais au début. C'est vraiment l'érudisme du classique dans la musique actuelle. Trop de teasing, on voit là. Ouais, non, mais en fait, je veux juste que je vous dise un truc. Ce qui est impressionnant, c'est que le mec ne sait jouer que du piano. Lui, de base, bah, il sait jouer que du piano. Et écoutez, pas jouer du triangle. Et ce qu'on va écouter là, c'est lui qui l'a fait. Je vous laisse écouter. Ah, s'il te plaît. Celui-là, je vais le laisser plus longtemps parce que j'aime bien. J'avais oublié ce son. Ah, pas moi. Incroyable son. Tellement beau. Ça c'est le prologue en fait du morceau. C'est ce qu'il a joué en live ? Non, ça il l'a pas joué en live. incroyable, j'adore ce morceau. Ouais. Et donc en gros, avec ce Rihanna, morceau, ça marche bien. Ça représente tellement une époque, ce son, c'est ouf. Ouais, dans ce morceau, je pensais exactement la même chose. Et ce qui est incroyable dans ce morceau, c'est en gros, il sait faire que du piano. Il a fait le prologue avec un, je crois que c'est un quartet à cordes, c'est quatre, c'est un violon, un alto, un violoncelle et une contrebasse. Ouais. Et un piano sur l'intro, qui est incroyable. Et c'est lui qui a composé le truc. Ouais. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de faire du piano sans savoir faire Ah, oui, mais c'est là que c'est. Oui. C'est là que la notion de génie qui lui est propre vient, tu vois. Voilà. Genre, et le morceau All of the Light avec Rihanna qui chante le refrain, et qui a un couplet aussi, il me semble. Il y a une grosse chorale derrière. Et la chorale, si vous lisez les crédits de l'album, j'ai l'album derrière. Ah, si ouais, tu lis les crédits, dedans, c'est Paul McCartney, Frank Ocean, Fergie, T-Pain, Beyoncé, Jay-Z, il y a tout le monde, et c'est incroyable. Emmanuel Macron, fait il y a tout le monde, quoi. Et vraiment, c'est Christophe Mahé d'ailleurs qui revient. Et ce morceau, pour ça, je fais un shout out au mois d'il y a 2 ans qui écoutait ce morceau tout le temps. Parce que j'étais déprimé. Voilà. C'est vrai que ce son, pour le coup, moi je suis pas forcément un grand fan de Kanye West, ce son reste quand même. Ce son est incroyable. Ah, c'est fou. Et en gros, ce son-là, il y a une espèce. Enfin, je vais vous recommander un podcast qui s'appelle The Dissect, qui est un podcast qui analyse tout cet album-là, piste par piste, et qui le fait vraiment méthodiquement, qui explique d'où vient chaque sample du morceau, qui explique toutes les paroles et dire pourquoi celle-là il a dit ça, pourquoi celle-là il a dit ça. Et en gros, il y a un épisode qui est consacré, 2 épisodes qui sont consacrés à ce morceau-là et qui explique exactement ce dont il veut parler. Et en gros, il raconte que il y a un peu une double lecture dans le sens All of the Light, c'est les lumières de la ville quand tu sors parce que t'es famous machin et tout, tu vas en boîte. C'est aussi les lumières des paparazzi qui te prennent en photo. C'est aussi les lumières qui s'arrêtent jamais parce que t'as une vie qui s'arrête jamais parce que t'es toujours prévu partout. Okay. Et en gros, c'est un son qui t'explique un peu pourquoi il pète les plombs. Pourquoi la surmédiatisation. Voilà. Comment un peu un mec comme Kanye West pète les plombs. La tête, quoi. Voilà, c'est ça. Et le clip est. Je voulais pas montrer, mais le clip est un peu. Va dans ce sens-là. Bah, on enlève le prologue. Tout juste, le clip pourrait être très néon. Clip très néon avec des gros flashs et avec. Agressif, et avec, ce qui est important aussi, c'est l'avertissement. Je l'aurais coupé au montage, mais vous savez, les petites 10 secondes avec l'avertissement est pour l'épilepsie. Oui, c'est vrai. Et il le fait durer extrêmement longtemps et c'est même pas obligatoire pour un clip en fait. Et en gros. Dans tout le clip, après, il y a que c'est beaucoup de flashs, de changements de couleur, etc. Ça. Et rien que l'avertissement te montre un peu comment les flashs dans le clip peuvent te faire mal à la tête si t'es tu trembles, je sais plus comment dire. Alors, mais en vrai, l'avertissement marche aussi. Les flashs peuvent te rendre fou parce que on t'est suivi partout. La lumière peut te rendre fou parce que ça, tu vois. Et c'est quoi le nom du podcast The Dissect. Okay. Ça sera crédité dans la description. Ouais, c'est la saison 2. La première saison parle de Dame de Kendrick Lamar. Non. Swimming Pool, non, Dame de Kendrick Lamar, la seconde de My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, la troisième de Blonde de Frank Ocean, et la quatrième de Igor de... je vais me faire envoyer parce que j'ai oublié le nom. Je l'aurai pas pour toi. Igor de celui qui a fait Flower Boy, qui a sorti un album il y a pas longtemps. Il s'en connaîtra. Le... Dosgore, je crois. C'est la même. Je vais me faire... Tyler, The Creator, pardon. Je me serais fait insulter si je l'avais eu. Excusez-moi. Ça se dit professionnel dans le rap. Et absolument pas. Absolument pas, je n'ai pas cette prétention-là. Et en gros, cet album, c'est l'album que quand je l'écoute, je pète les plombs. Genre, j'avais déjà pété les plombs une fois, mais là, c'est n'importe quoi. Genre, tout l'album est à ce niveau-là, tu vois. Et vraiment, c'est... Ça commence, en fait, c'est vraiment un ensemble solidaire incroyable et très élogieux aujourd'hui. Et ça commence, je crois que la première scène, c'est le premier moment du parler de l'album, c'est Nicki Minaj qui parle un passage du Magic 12, comme si c'était genre une pièce ou un. Et je sais pas, non, qui le parle, qui le lit. Okay. Et je sais pas, ça fait comme si c'était vraiment une pièce en entier, l'album. Et voilà, moi j'ai trouvé ça incroyable. Donc après ça, évidemment, il y a l'album commun avec Jay-Z, avec le son incroyable Niggas in Paris, avec tout ça, le Otis et tout. Bon, ça, c'est incroyable. Il y a un truc qui m'étonne quand même, c'est que quand tu dis qu'il avait dans la chorale qu'on entendait derrière avec tout le name drop que tu as dit tout à l'heure, Il n'a pas été détesté après la phase Taylor Swift Par le, il a été détesté par le grand public, un peu par le milieu, mais... Parce que c'est quand même des gros noms que tu as cités, des ouais, gens mais qui ont une image aussi, donc il ne peut pas s'allier avec tout le monde. Et il s'est expliqué rapidement, les gens ont compris qu'il n'allait pas bien, vraiment il n'allait pas bien. Okay. Et, c'est le une moment... sorte de soutien de donner son nom dans cet album ou... Non, non, du tout. C'est, en gros, c'est le moment où il est lui-même de faire de la musique. C'est, là, je parle, je cite les interviews, je ne sais pas, je ne le connais pas. Ouais, bien sûr. Mais je le connais pas. Et c'est, les gens, ce qu'ils disent, c'est de bosser avec lui, c'est le moment où tu le vois vraiment comme il est, comme... C'est pas les images qu'on a dans les médias, mais c'est dans son ouais, son qu'on comprend. C'est, voilà, c'est ça. Okay. Et en gros, les gens, ça les dérangeait pas. Ceux que ça a dérangé sont pas venus. Ouais. On n'a pas spécialement de nom parce qu'ils n'ont pas trouvé intéressant de le dire, ce que je comprends. Oui, normal. Mais ces gens-là, en fait, ils étaient presque par référence. Ils étaient en mode, oui, il a fait de la merde, mais c'est un génie. Écoutez, enfin, ouais. Et il a fait de la merde, il l'a avoué, on est tous d'accord pour le dire, mais c'est pas pour autant qu'il faut le bouder et empêcher de créer des chefs-d'œuvre comme ça, tu vois. Ouais, je capte. Et voilà. Et en gros, après il sort Yeezus, qui est un album qui est très très controversé bien parce aimé, que moi. T'as bien aimé ? Bah ouais. Moi je trouve que c'est dans la même sauce. Voilà. C'est dans je la même. J'argumente pas plus que ça. Vraiment, c'est la... Bah ouais. Pour moi c'est la même sauce que 808 and Heartbreak. C'est celui où il y a merde. C'est quoi les sons connus de l'album ? Black Jesus. Ouais voilà. Ouais voilà. Ouais. Je connais pas le son. Ouais Black Jesus ouais. C'est celui où il y a Bantu. Bon, tout c'est le morceau où dans le clip il est sur ah, incroyable sur une moto devant un fond vert oui. avec Kim Kardashian assis sur ses genoux à l'envers. Ça m'a fasciné. Et le clip c'est eux qui kennent sur la moto, c'est tout. Eh, non, mais oui, oui, oui, non mais oui incroyable. Oui incroyable clip. Incroyable ce clip. Et en gros cet album là il est un peu mal vu parce que c'est le retour du Kanye West super égocentrique. Ouais, exactement. On voyait plus sur l'album d'avant sur retour Mike, du personnage Mike, Dark, peu, machin. Il s'était vachement effacé, il était en mode c'est de la musique. Okay. Là, c'est le moment où il arrive et fait je suis un dieu. C'est l'époque où on le voyait en interview, il disait non, je suis un dieu. Il y a l'interview de la BBC justement hyper connue où il dit dans un studio là, I'm number one. Ouais. Genre il fait ouais, genre je suis le numéro 1, personne peut me tester. Ce qui est en soi en termes de composition de production impensable à dire. Peu importe, je veux dire oui. Encore plus si t'es numéro 1 tu le diras jamais. Déjà c'est bizarre de le penser. C'est déjà et en plus de le dire après, de l'affirmer après c'est un pur Quinry, c'est un mec de Détroit, c'est ouais, mais c'est vraiment le c'est mais vraiment justement le non je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, regarde les grosses rostas américaines. Ouais. C'est bien un truc qui le caractérise, c'est leur côté médiatiquement, elles en font pas non plus des caisses. Ah bon ? Non mais je veux dire non, c'est pas ce que je veux dire mais ouais. Ils vont pas dire ouais je caracole en tête des ventes. C'est qui là? Le verbe caracoler en américain ne se dit pas déjà. C'est qui la Rostan numéro 1 du rap en ce moment aux États-Unis? J'en sais. Cardi B. C'est qui Cardi B? Elle a fait un son qui s'appelle juste Money. Où elle dit bah je suis plus forte que tout le monde, je fais plus de zouk que tout le monde et j'aime y a rien que j'aime plus que l'échec. Moi je la connais pas. Ah, moi, je suis peut-être trop à l'ancienne, je sais pas, je connais pas cette personne. Vraiment non mais vraiment le en France c'est pas vraiment enfin c'est le truc de dire il devient quoi avec Pokora, c'était le numéro 1 à l'époque. Pokora, mais ils font tellement de télé. Claude François, ça marche toujours ou pas? Tu sais qu'il a fait tourner des zéniths sur cet album là. Bah ben yes. Ben ça je suis désolé. Moi j'appelle ça un génie moi les gars. Je suis désolé. En termes de market, Baptiste, ton avis sur le market de Pokora? Parlons-en de Pokora, meilleur businessman de la musique en France. Pardon, on reprend sur. Non mais je suis d'accord qu'il aurait joué à Lorient quand même. Kanye West c'est un génie, on est tous d'accord, enfin musicalement. Ouais. Voilà. Mais il y a toute la controverse qu'il y a autour des génies aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas, je veux dire, Einstein c'est un génie. Hein. Ouais. Il faisait du gros rap. Il a pas dit ouais, nique les rageux. Non, il a fait une bombe nucléaire. Rageux, c'est moi le meilleur. Mais par contre, ouais, il a créé la nuque, comme disent les gens qui jouent à Call of Duty. Yes. Il a 25 kills, on le rappelle. J'ai jamais fait ça. Voilà. Mon maximum, c'est 4 kills. Une W2, une blanche, RPZ. Exactement. Intervention, on est là. Et du coup, cet album-là, Yeezus, c'est un album à côté. Enfin, je suis passé un peu à côté parce que déjà, c'était en 2013. J'étais pas trop dans ce mood là. 2013 c'est l'année où je découvre Graduation. Okay. Donc vraiment j'ai du retard. Et voilà. En septembre hein, c'est l'année là aussi. 2013. Et bon je passe à côté. Et en 2015, enfin janvier 2016 du coup, première année de fac, teasé pendant des mois, l'album suivant c'est The Life of Pablo qui sort. Et c'est un album de gospel. Il est pas sur mes murs parce qu'il est pas sorti en physique. Il est sorti que en... Ah oui c'est la pochette orange. Ouais, ouais. La pochette orange. Et cet album là, grosse communication en fait, là-dessus. Ouais, bah ouais, pendant des mois. Et du coup, moi j'étais en mode bah incroyable, je veux l'écouter. Et en fait, il sort un album de gospel qui est incroyable. Ouais. Et la musique que je vais vous passer après, je la passerai plus tard parce que ça, je vais la laisser en entier. C'est l'intro de cet album là qui est vraiment incroyable, c'est Ultra Light Beam. Et en gros, c'est vraiment fou. Il refait la même chose. En gros, il sample une chorale de gospel. Non, il fait chanter une chorale de gospel. Il en sample une autre. Il sample des voix de vidéos YouTube qui ont été pas mal vues d'un gosse qui prêche. Qui est en mode Alléluia. Et donc, allez, bref. Et il rajoute par-dessus. Enfin, que c'est pas un gosse qui se confesse. Parce que... et sur ce morceau-là, c'est un peu le même bail. Il y a lui, il y a Tyler the Creator et un autre mec, je sais même pas qui c'est, qui chante. Et vu qu'il crédite personne, enfin, il crédite que lui. Le jeu un peu qu'ont les auditeurs, c'est de retrouver quel mec apparaît à quel moment. Ouais. Ce qui est, depuis qu'il l'a fait sur cet album-là, très à la mode. 21 Savage l'a fait dans son album qui est sorti il y a pas très longtemps, où il crédite personne alors qu'il y a 1000 feats. Travis Scott aussi, bref, on s'en fout. Et là arrive l'époque sombre après 2016. C'est l'époque où il fait vraiment n'importe quoi et où vraiment il pète les plombs. Il internet trois fois d'affilée. Il sort, il dit l'esclavage, bon, 400 ans, c'était peut-être un choix, non? Donald Trump, oui, où il soutient Donald Trump, il s'affiche avec la casquette, like machin. Make America great again. Et il se rend compte au bout de. Très bonne imitation. Merci. Ouais, ouais, c'était Donald Trump. Félicitations. Hein, c'était pas Kanye West. Et il se rend compte au bout de 2 ans de soutien. Où il arrête des concerts sur la tournée de The Life of Pablo, il arrête des concerts en plein milieu, genre il pète les plombs sur scène, il chante, il fait 3 morceaux, il dit ouais j'ai pas voté mais si j'avais voté j'aurais voté pour Trump, il fait un morceau, il arrête au milieu, il fait non c'est bon je me casse. Ouais, donc un, le un dissident dans sa config. Ah oui, faut que je vous parle de cette config qui était incroyable. Il était sur une plateforme suspendue qui était à la base, ça c'est Johnny Stade de France 99, hein. Ouais, incroyable quand il arrive en hélicoptère, ouais. Hein, ouais, incroyable. On gros, était d'ailleurs. La plateforme elle est à la place d'une scène normale, le concert commence. Et elle se déplace au-dessus de la foule. Et en fait, elle se penche un peu. Oui, en fait, c'est une plateforme. Lui, ouais. Il a un harnais. Ah oui, elle est suspendue. Elle se lève et elle passe au-dessus de la foule pour que tout le monde soit à un moment au ras de la scène. Le but, c'est que tout le monde ait la même expérience. C'est génial. Gros. C'est trop bien. Mais en gros, le concert, il a duré 25 minutes. Il a fait un tour et il s'est barré. En gros, il en a fait plein. Il en a fait genre 6 ou 7 complets. Il a annulé 9 dates, je crois. Ou c'est l'inverse. Il en a fait 9 et il en a annulé 7. Et il y en a une qui s'est arrêtée au milieu. Et... Elle a quand même des gros problèmes, ce monsieur. Et oui, et du coup, il a pété les plombs, il a fait ses trucs de... Il a requitté l'école. Il a requitté... C'est marrant parce qu'en plus, ses 3 premiers albums, c'est des albums qui parlent de quitter la fac et de pas être diplômé. Du coup, quitter l'école. Bref, on s'en fout. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il a vraiment pété les plombs pour de bon. Et il sort un album, il a sorti un album cette année. Enfin, un album tout solo qui s'appelle Ye. Qui s'appelle Ye. Yes. Yeah. Yeah. Et qui est vraiment pas incroyable. Yeah. Enfin, qui est bien, c'est vraiment un bon album, mais comparé aux autres, c'est pas un album qui est intemporel. Tout ce qu'il fait dedans, c'est répondre aux polémiques qu'il y a sur lui. Et les prods sont vraiment très belles, très très cool, mais c'est pas incroyable. Et après, il sort un album avec, en collaboration avec Kid Cudi, qui s'appelle Kid, et l'album, enfin le groupe, et l'album s'appelle Kid Sea Ghost, ouais. Qui pour le coup est vraiment très très bon. Je vous passerai pas d'extrait. Ça ressemble un petit peu quand même, Kanye West, Kid Cudi, c'est un peu les Maccabées des années 2000. Fin... Ouais. Les gens qui sont tombés trop tôt, ouais, j'ai envie de dire, non, je sais peu, pas, c'est un peu comme ça que ça. Et bah oui, de ouf, parce que. C'est deux personnages aussi. C'est deux personnages qui. Mentalement instables. Font pas bien. Ouais. Kid Cudi, il a vraiment. Une époque sombre. Il a vraiment. Ça fait quoi, depuis Projet X, on le reconnaît plus. Tu sais, c'est vraiment l'album qui sort après Projet X, je crois que c'est Moon, un truc avec la Lune, je sais pas. Ouais. Et depuis cet album-là, on n'a rien eu jusqu'à Kid Sea Ghost. Donc vraiment, il y a eu genre 6 ans. Marre, il a sorti une mixtape qui était chute de studio d'avant. 6 ans, tu dis là. Je crois que ça fait. Bah, il m'a Game of Thrones, c'est sûr. Et du coup, en gros, après Kanye West, pendant ce temps-là, il a monté un label, etc. Il produit des grosses têtes, mais c'est pas forcément super intéressant. Sur RTL. Et ah putain. Putain, Ruquier. Ouais, c'était lui, ça. Ouais. Ah putain, c'est Catherine Barba. Et du coup, je voulais conclure pour savoir ce que vous pensez de cet homme-là. Pas forcément de sa musique, un peu des deux, tu vois. Mais alors moi, je pensais vraiment que c'était un personnage qui, ouais. Qui n'était pas lui-même. Enfin, c'était pas le vrai Kanye West qu'on voyait dans les médias. Moi, je l'ai pensé longtemps aussi. Ouais. Et en fait, là, maintenant avec cette chronique, j'ai l'impression que c'est le mec tout seul qui est vraiment très très instable et qui l'en joue pas, tu vois. Mmh. Je pensais que c'était un personnage qui servait de ça pour créer, pour faire parler les gens, pour avoir la critique et du coup du buzz indirectement, tu vois. Mmh. Et en fait, non, c'est juste que le mec est vraiment instable et pas dangereux, tu vois, mais. C'est dans, bizarre, le sens, c'est dans le sens où il se gère pas, enfin il se rend pas compte, enfin pour lui c'est normal ce qu'il fait, mais juste il a des accès de paranoïa, etc. Comme il y a un moment où sur Twitter il a tweeté genre 145 tweets en 35 secondes en mettant en disant tout n'importe quoi, genre je vous déteste tous, je vous aime tous, Jay-Z a engagé un tueur à gage pour me buter, Nick Obama, Bill Cosby innocent. Ah ouais, ouais, non, il a vraiment pété les plombs. Mais à côté de ça, le son est vraiment, les sons qu'il fait, c'est vraiment très cool. Et là, pour la suite, ça a l'air plutôt encourageant. Je vous ai passé un morceau de ce qu'il fait en ce moment dans l'épisode 6, 7 de Capsule. C'était il y a 8 ans. Il s'est beaucoup trop longtemps, je m'en rappelle pas du tout. Il s'est associé avec une chorale de gospel. Et en gros, ils ont joué à Coachella. Et ils ont une. Ah, ils sont genre, mais j'ai vu ça. Je crois que c'est The Sunday Service. Et j'avais passé un morceau de eux. Et en gros, ils font des reprises de morceaux de Kanye West. Mais pas que, ils font aussi d'autres morceaux. Et t'avais dit justement, Flo, quand j'avais dit qu'ils faisaient des reprises de Kanye West, que c'était, le mec avait un petit ego. Et voilà. Et ça paraît encourageant. Parce que maintenant, il a supprimé tous ses réseaux, etc. Il n'existe que quand il apparaît sur ce moment-là. Et il a l'air super bien. Du coup, je suis content. Il dit plus de la merde. Je suis content, je peux assumer d'être fan de lui. Moi, je vais te dire honnêtement. Ouais. Ça se voit que c'est un mec, ça fait pareil, il fera pas toujours partie de ces génies complètement fous, enfin pour moi. Ouais. Je pense que tu le considères comme un génie déjà ? Bah ouais, parce que moi je suis pas spécialement friand de rap US. Au fromage. Ouais, même au jambon. Hein. Mais Kanye West, j'avoue que ça a toujours marché sur moi, tu vois, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça fonctionne bien, c'est fort. Mais. Il est malade quoi. Et pour moi je suis désolé, mais un mec comme ça il va se suicider, c'est sûr et certain. Ouais. Je vois pas comment c'est ce genre de génie un peu fou. Non, mais s'il devait le faire, elle l'aurait fait il y a longtemps, non? Ah, je sais pas. Ah, peu importe, c'est pas le débat. Après, je considère que c'est un mec qui sera tout le temps mentalement un peu fragile, ouais. Mais qui c'est ce qu'il fait aussi, qui produit des choses aussi bonnes. Ouais. Voilà. Einstein il a pas fait la bombe nucléaire comme ça. Hein. Il avait été fragile émotionnellement. J'avoue. Et du coup, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai dit à peu près tout ce que je pensais. Sur un petit son de Kanye. Ouais, on va laisser un petit c'est son. C'est très intéressant. Du coup, je vais vous passer... Il est toujours avec Kim K ou pas ? Il est toujours avec Kim K, il a eu un troisième enfant. Là. Yes. Ah, ouais. Si, un troisième enfant. Moi, je pense que c'est peut-être aussi elle qui le rend un peu malade, mais... Je pense que justement, au contraire, vraiment... Est-ce que son boule ah ouais, le drive de ouf. Ah ouais ? Ah oui, vraiment. J'ai l'impression que depuis qu'ils sont ensemble, il part en couille. Ben, c'est parce que ça a coïncidé avec sa rupture et la mort de sa meuf, de sa femme, de sa mère. Et... Ouais, j'ai écouté. Ouais. Hein. Ouais. Bon, du coup, je fais une très bonne blague, personne n'a entendu. Non, parce que puis la merde. Je l'écouterai. Son boule, Laurent Maboule. Ouh. Ah. Il y a quelque chose. Moi, je suis cliente, ce genre de truc. Il y a quelque chose. Et du coup, je vais vous laisser sur Ultra Light Bean. C'est l'introduction de The Life of Pablo. Et voilà, c'est parti. We don't want no devils in the house. Yes, we want the Lord. Yes, yes. Yes. Hallelujah. Have the most. Yes. Jesus, praise the Lord. Yes, sir. Hallelujah. Yes. We want the Lord. Yes. Yes. Yes. I'm trying to keep my faith. We on a ultra light beam. We on a ultra light beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything. This is everything. Deliver us serenity. Deliver us peace. Deliver us love. And we know we need it. You know we need it. You know we need it. Pray for Paris, pray for the parents. This is a God dream. This is a God dream, this is a God dream. We on a ultralight beam, we on a ultralight beam. This is a God dream, this is a God dream. This is everything. Everything. But I'm looking for more. Somewhere I can feel safe. And in my holy war, I'm trying to keep my faith. Why send oppression, not blessings? Why, oh, why'd you do me wrong? More. You persecute the weak because it makes you feel so strong. Safe. Don't have much strength to fight. So I look to the light. More. To make these wrongs turn right. Head up high, I look to the light. Hey, cause I know that you'll make everything alright. And I know that you'll take good care of your child. Oh, no longer am afraid of the night. Cause I look to the light. When they come for you, I will shield your name. I will feel their questions. I will feel your pain. No one can judge. They don't know. They don't know. Foot on the devil's neck till it drifted Pangea. I'm moving all my family from Chatham to Zambia. Treat the demons just like Pam. I mean, I fuck with your friends, but damn, Gina. I've been this way since Arthur was anteater. Now they wanna hit me with the woo after bam. Trying to snap photos of family. My daughter look just like Sia, you can't see her. You can feel the lyrics of spirit coming in braille. Tell me another underground, come and follow the trail. I made Sunday candy, I'm never going to hell. I met Kanye West, I'm never going to fail. He said let's do a good ass job with Chance 3. I hear you gotta sell it to snatch the Grammy. Let's make it so free and the bar so hard that it ain't one gosh darn part you can't tweet. This is my part, nobody else speak. This is my part, nobody else speak. This little light of mine. Glory be to God, yeah. I'ma make sure that they go where they can't go. If they don't wanna ride, I'ma still give them raincoats. Know what God said when he made the first rainbow? Just notice at the end, if I'm too late for the intro. I'm just having fun with it. You know that a nigga was lost. I laugh in my head cause I bet that my ex looking back like a pillar of salt. Cause they flipped the script on your ass like Wesley and Spike. You cannot mess with the light. Look at the channel from 79. We on a ultralight beam, we on a ultralight beam. This is a God dream, this is a God dream. This is everything. Yes, sir. Hallelujah. Everything. I'm trying to keep my faith. Yes, but I'm looking for more. Somewhere I can feel safe. And in my holy war. Father, this prayer's for everyone that feels they're not good enough. This prayer's for everybody that feels that they're too messed up. For everyone that feels they said I'm sorry too many times. You can never go too far when you can't come back home again. That's why I need. Mom, is it fun? Il s'agissait du morceau Ultra Light Beam, Beam de Kanye West. Avec sa très belle chorale gospel, je l'ai beaucoup aimé. Et vous, messieurs? C'était pas mal. C'était pas non, mal. C'était sympa. Non, c'était un bon moment. Non, vraiment, et cette fin, tu sais, la grosse montée avec. Ah, je trouve ça incroyable. Et c'est là-dessus que je pense que je vais laisser ma place à notre invité Mathis pour le thème. Aïe. Le thème de. Et c'est le thème de quoi, Flo? Oh! Le thème de l'invité, bien sûr. La, la question quoi? La question qui? La question qui? Quelle belle imitation, Jean-Pierre. Mathis, nous sommes tous oui. Carte blanche. Alors, messieurs, on m'a prévenu hier que j'allais devoir participer à ce podcast. Arrêtez de dire tout le temps le timing. Et j'étais très content, à la fois très stressé. Parce on passe pas pour des pros, quoi. Oui, nous, non, en vrai, j'avais envoyé un mail il y a 3 semaines, mais il a pas vu. Menteur. Clairement, on part. Mail d'il y a 3 semaines. On part sur un mensonge. C'est sur l'adresse MatiBG79. J'ai pas répondu, j'ai pas compris pourquoi. StreetClass79. Alors, hotmail.fr, voilà mon Skyblog. N'hésitez pas à lâcher des coms. Il y a trop de X, moi, pour que ce soit. Ah, c'était quoi audible. Déjà c'était... Moi c'était avec des X et des tirets. Oui, mais faut dire que c'est X-flow-quelque chose, je sais plus. Il fait genre, il sait plus. Il fait genre, il sait ouais, plus. Il sait bah, et après, il y a un autre X à un moment. Sur son Skyblog, eh bien, moi je vais parler d'un truc. Donc en gros, j'hésitais beaucoup. J'avais plein de sujets en tête, je savais pas trop de quoi parler. Le nazisme ou. Exactement. Le nazisme ou vraiment le camp d'Auschwitz, c'est faire tout un débat là-dessus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Il y a de quoi dire. Voilà. Il y a du bon des deux côtés. C'est qu'un détail de l'histoire, finalement. Et en gros, donc j'hésitais beaucoup. C'est des blagues, je précise que c'est. Ouais, on est sur le. J'ai regardé le pianiste l'autre jour. Ah. Ça excuse. Ouais, j'ai regardé tout là. J'ai regardé le trailer de la liste de Schindler. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est Marocco, la liste de Schindler. Incroyable. C'est vrai. Incroyable. Je l'ai même pas. Je te crois pas. Je te crois pas. J'aime pas les films qui font pleurer. Ah non, mais il est incroyable. Ça me rend triste. Ça me rend chafouin. Non, il faut que je parle d'un truc. Tu en as déjà parlé. On est allé voir Avengers Endgame avec. Moi, je vais pas pleurer, arrête. Pas de spoil. J'ai pas pleuré. Non, je veux pas spoiler. Mais au bout de 30 secondes de film, je regarde à ma droite. Il est en train de chialer. Non, non, non, je pleurerai pas. Ceux qui ont vu Endgame, le début. Triste, ça va. Et il était en train de chialer sa mère. Il chialait pas sa mère, mais il avait une goutte sur la pommette qui glissait. Bon, on avait bu 3 pintes avant, j'étais dans l'ambiance, ouais. Voilà, je suis très trop. 3 pintes, c'est l'ambiance. Eh, fragile. Exactement. Eh, t'es fragile. Bon, t'écoute. Oh, t'es fragile, et donc, pour ce thème, donc, j'hésitais beaucoup et j'ai essayé d'en parler à mes parents et de leur demander s'ils avaient des idées. Donc, ils savent que Barry a un podcast avec Flo et je leur demandais, ouais, vous savez de quoi je pourrais parler, machin. Salut les parents de Baptiste. Shout out à mes darons. Et donc des darons qui écoutent ce truc en fait. Et donc ouais, non mais c'est hyper triste au final. Et donc je me suis dit, est-ce que mon thème ce serait pas juste de parler de la relation que j'ai avec mes darons et de ensuite parler de la relation que vous avez avec vos darons. C'est très très bien. Et ouais, cool. Comment on pourrait en fait la question principale que j'avais à ce sujet là c'est que moi aujourd'hui donc Mathis qui je suis, est-ce que je le dois 100% à mes darons? Est-ce que je le dois à l'éducation que j'ai eue en dehors, c'est-à-dire l'école primaire, le collège, ouais. Mes relations, mes amis, tout ça? Et je me posais la question, en fait, est-ce que l'enfant, quand il naît, est-ce que c'est une feuille blanche sur laquelle les parents vont écrire quelque chose? Mm-hmm. C'est-à-dire, est-ce que 100% quand l'enfant il naît, il est très neutre, il n'a rien, et c'est les parents qui vont en faire ce qu'il est 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après? Ou alors, est-ce que tu nais déjà avec certains critères, certains caractères qui vont te faire qui tu es plus tard? Donc, c'est un peu vaste comme sujet, il y a de quoi dire. Mais juste, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai une relation très, très proche avec mes parents. Et depuis toujours, parce que je n'ai jamais eu de conflit majeur avec mes parents. Mmh. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui, vous, vous accordez énormément d'importance ou pas. Parce que moi, l'importance que j'accorde à mes parents est énorme. Et je voulais savoir, vous, ce que vous en pensiez. Est-ce que vous pensez que vous êtes telle personne aujourd'hui grâce à vos parents? Ou est-ce que vous êtes fait sur autre chose, sur un autre pilier ou quoi que ce soit? Bah. C'est bon, on s'est tous les deux donné la main. Avec toi. Prie, moi, j'ai une relation. En tout cas, Pierre Bourdieu est ton ami. Hein. Pas forcément particulière, mais moi, j'ai grandi avec ma mère, parce que mes parents sont séparés, quand j'avais genre 8 ans. J'ai pas grandi sans père, parce que je le voyais fréquemment. Mais j'ai toujours senti un décalage par rapport à mes potes et tout, parce que j'avais pas la même relation avec mon père que les autres gens, tu vois. Ouais. Genre, j'avais pas le père qui t'apprend les trucs de mec et tout ça, tu vois. Et je sais que moi, je suis très proche de ma mère, pas autant que toi, ça je sais, mais genre, on est très proche de différentes façons, on parle de plein de trucs et on s'aime beaucoup, c'est normal, enfin voilà. Mais avec mon père, j'ai une relation un peu différente dans le sens où je me suis longtemps construit en opposition à lui, je voulais vraiment être l'inverse de lui. Ok. Et mon père est chauve, je me suis dit, je vais faire des dreads. il m'a toujours dit que je devais faire de la politique, être président. Moi, je voulais être. Mon projet quand j'étais au lycée, c'était de faire une école de musique et devenir prof de musique, ou lycéen pro, machin. Et un peu en contradiction avec ce qu'on te disait. Je voulais vraiment être l'opposé de mon nom. Et en terminale, en première, je me dis, tiens, Sciences Po, ça a l'air cool et tout. Je fais une petite prépa, je me démerde bien, machin. Donc, ouais, Sciences Po, pourquoi pas. Terminal, mon père il me fait j'ai retrouvé une photo de moi à ton âge, il me montre, il avait exactement les mêmes dreads que moi. Exactement les mêmes. Et et je sais qu'en fait on a une relation particulière parce que lui il a eu une relation avec son père qui était vraiment très compliquée, il a vraiment pas eu les codes de ce que ça doit être une relation père-fils, tu vois. Et du coup il a essayé de faire comme il pouvait avec moi. Mon père est d'origine sénégalaise et du coup il faisait un peu le papa renois, un peu dur, un peu sévère, parce que machin, il y avait un peu un mélange de d'une éducation sénégalaise, enfin de là-bas, tu vois, et de ce qu'il est devenu en voyageant, parce qu'il est en France maintenant, mais avant il était en Espagne, en Allemagne, etc. Et du coup, on a vraiment une relation complexe, et je sais que je suis ce que je suis maintenant par rapport à ce qu'eux m'ont apporté, parce que en suivant ou en contradiction, c'est par rapport à leur avis à eux que je me suis développé. T'as quand même été influencé. Ce que je disais, c'est que ce soit en suivant ce qu'ils me disaient ou en voulant faire tout l'inverse, c'est mon référentiel, c'était leur avis à eux et leur dialogue à eux. Et c'est pour ça que je pense que moi, je suis ce qu'eux, ils ont fait de moi. Par contre, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de est-ce que l'enfant, c'est une page blanche ou les parents, ils tout dedans, ça, je suis à moitié d'accord. Dans le sens où un mec qui naît, toi, moi, Flo, on a tous des... pas des facultés particulières, mais enfin, moi je pense qu'on est avec un truc dans un tel ou tel domaine, enfin pas dans un domaine mais dans une faculté, une façon de bien être agile de ses mains, réfléchir mieux que les autres, avoir ce qu'il y a dans les gènes, courir vite, ouais voilà tu vois. Okay. Et je pense que c'est à partir de ça, plus ce que tes parents t'apprennent, etc., et les rencontres que tu fais, parce que moi je sais que les rencontres que j'ai fait ont été déterminantes, tous les, ouais. Ma famille, ça, enfin c'est ma mère, ma sœur et mon père quand on se voit, c'est vraiment ça. Et du coup j'ai vraiment comblé le reste avec mes potes, et du coup mes potes ont vraiment eu l'influence que peuvent avoir des grands-parents, des cousins, ah, okay. des oncles, des tantes. Et du coup moi, pour moi, mes potes ont vraiment, depuis tout petit, hein, depuis ouais tout petit, ont vraiment eu une grosse influence sur moi, tu vois. Une présence que t'avais pas, ouais. autrement. Je te donne l'exemple de Kanye West tout à l'heure. Si je découvre quand je découvre le rap, c'est mon pote Simon qui filme le USB. Ouais. Mon mood d'avant, c'était l'électro, parce que je traînais avec Louis, qui lui était fan de comment ça s'appelait, de Justice. Il était fan de Justice. Et son rêve à Louis, à cette époque-là, c'était d'être DJ. Il écrivait sur les papiers en début c'est d'année. C'est pas vrai. Ambition DJ. Et moi, je suis en mode, oh, c'est trop stylé, il a su. J'aurais trop kiffé mettre sur mes papiers de rentrée, projet futur DJ. Quoi. Non, mais essaye, il le faisait premier degré et tout. Et moi, je suis en mode, oh, mais trop fort. Et il m'a fait découvrir des sons. Et ces sons-là, ils m'ont hanté. J'avais une playlist David Guetta sur YouTube où j'ai mettais tous les sons. Je tapais David Guetta, je mettais tous les sons dans la playlist. Après, je tapais Fit David Guetta, je mettais tous les sons. Après, je mettais. Tu bouffais tout, quoi. Après, je mettais D Guetta, David G. Je prenais tout. Mais tu sais, parce que je suis un peu obsessionnel aussi. Dès que j'aime un truc, j'ai envie de tout savoir. À fond, ouais. Et c'est la même chose avec la musique. Autre chose. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais ouais, moi, tu vois, pour ce coup, j'ai pas envie. Je sais pas comment compresser ce que je viens de dire, mais tu vois, je pense que les parents ont un impact autant, enfin, dans mon cas en tout cas, autant que les rencontres qu'on fait, et aussi les facultés que tu as de base, et aussi ton contexte social, les sous que tu as, les moyens qui sont mis dans ton éducation. Est-ce que tu as l'accès à des loisirs? Moi, je sais que ma mère, elle a fait en sorte que je puisse faire de la musique, que je puisse, ouais. faire du sport, et que ces choses-là, ben, regarde maintenant. J'ai commencé la musique quand j'avais 9 piges, maintenant je te parle de KMS pendant 40 minutes. Ouais. Je fais toujours du sport, un petit peu moins qu'avant parce que la fac, mais je fais quand même encore beaucoup de sport, et les gens que je rencontre là, eux aussi, m'influent, tu vois. Donc, je pense que c'est un mélange de plein de choses, mais que c'est pas juste tes parents te mettent à l'école, ils te forcent à travailler, tu deviens intelligent. En fait, souvent je me dis que c'est un mélange de plein de choses, mm-hmm. et en fait je me rends compte que la base du mélange, c'est mes parents. Ouais. Donc tout par exemple pareil, donc je reviens à la musique, ouais. le sport, même mes amis, si je les ai rencontrés, c'est parce que tu vois, je peux tout retranscrire par rapport aux choix que les parents ont fait dans mon éducation. Ouais, mais ça c'est parce que y a un moment où de toute façon je pouvais pas décider, voilà, par moi-même. Il y a un moment où avant 18 ans tu décides pas. Non, mais même aujourd'hui, tu vois. Ouais, non mais ouais. Même aujourd'hui, ils ont une présence hyper importante dans ma vie. Oui. Et ouais. Que ça je pourrais pas l'enlever, tu vois. Et okay. En gros, moi ce que je pensais, c'est que le modèle d'éducation que j'ai eu, j'aimerais tellement retranscrire la même éducation à mes futurs enfants. Ouais. Parce que mes darons, c'est le modèle à atteindre, tu vois. Ouais, ils ont une vie, ils sont encore en couple après bientôt 30 ans de mariage. Enfin, tu vois, c'est... Ah ouais. Ah ouais, c'est des trucs qu'on peut pas imaginer nous aujourd'hui, mm-hmm. et qui s'imaginaient pas du tout quand ils avaient notre âge, tu vois. Mais je trouve que c'est une vraie chance que j'ai eu moi dans mon éducation, et ouais. je le dis souvent, j'ai pas eu tout de mal à le dire. Genre mes parents, ils sont assez aisés et tout, j'ai eu accès à plein de trucs que d'autres ont pas eu accès. Même juste d'avoir la chance d'avoir des parents en couple, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont eu une séparation de leurs parents et qui l'ont très mal vécu, ouais. ça a cassé quelque chose. Alors moi, j'ai pas eu cette malchance, et je le ressens encore aujourd'hui, que dans tout ce que je fais et ce que je... Enfin, je base un peu ma vie par rapport à mes darons aujourd'hui, ouais. tu vois. Et moi, par rapport à ce pas que comme une sorte de récompense, ouais, mais ouais. juste comme une sorte de... c'est grâce à vous, tu vois. Et par rapport à ce que tu disais, moi, c'est marrant, j'ai toujours cru que je l'avais pas mal vécu. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai essayé de réfléchir, de penser comment c'était avant, et je me suis rendu compte que je n'avais aucun souvenir de ma vie avec mes parents en couple. Aucun. Alors qu'ils se sont séparés quand j'avais 9 ans, 8-9 ans. Et j'en parlais de spi. Enfin, je sais que ma soeur, elle est en psycho. Elle bosse sur. Je crois que c'est l'amnésie infantile. Donc en gros, c'est entre 4. Enfin, tu ne peux pas te souvenir de ta vie jusqu'à un point qui est entre 4 et 6 ans. Ok. Et du coup, en gros, moi je pensais que c'était juste parce que j'étais enfant que je ne me souvenais pas. Tu vois. Et en fait, c'est vraiment le moment où ils se sont séparés. Il y a eu un changement dans ma vie qui a, fait, qui ouais. a sûrement fait. Les fils se sont touchés. Une construction psychologique, quelque chose. Quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, je ne me souviens absolument pas de ma vie avec mes deux parents. À part les moments où on a eu des problèmes. Tu vois. Genre, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais on a eu 2-3 problèmes. Et ces moments-là, je m'en souviens. Les moments tristes, je m'en souviens. Tu vois. Okay. Mais les moments où le pas reste, les moments de je ne m'en souviens pas. Et en fait, je me suis rendu compte de ça un jour où, chez mon père, je tombe sur un album photo. Et je regarde les photos. Et genre, je me suis mis à chialer, mais je ne captais pas pourquoi. Et en fait, c'est que je ne me souvenais pas qu'on avait été heureux ensemble. À 4. Ah ouais, tu vois. Et je n'ai jamais dit ça. Exclu capsule. Ouais. Et toi, Flo, Dis-nous un peu, dis-nous-en un peu de ton avis. Moi, je m'entends très bien avec mes parents. Mmh. Genre, très bien. Je me suis jamais autant bien entendu avec mes parents que depuis que j'habite plus chez eux. Non, mais c'est véridique, ouais, faut le dire. Ouais, en vrai, ça faut peu le comme dire. Ça, parce qu'il n'y a plus des clashs tous les jours. Moi, j'étais pas un jeune à problème, mais bon, il y a un moment où c'est vrai que j'étais arrivé avant mes 18 ans. Il faut dire que tu vendais des kilos de shit par ouais, jour. Tu ouais, tous les jours. Tu nous as dit tout à l'heure. Je ramenais de l'école des plaquettes de shit. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a un moment, c'est vrai, où j'avais envie d'autre chose avant mes 18 ans. Ouais. Et je le faisais peut-être un peu trop sentir à mes parents et, ouais. Et ça n'a pas plu forcément non plus. Mais c'est à hyper mes important de se barrer aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, mais moi à mon époque, je m'exprimais pas bien, j'ai mal fait passer le message. Il y a eu un moment où rupture, surtout pour ma mère, la rupture a été un peu compliquée, mais il ne faut pas non plus nier que depuis qu'on n'habite plus sous le même toit, on s'entend comme jamais on s'est entendu. Ouais. Tu sais, c'est ce moment où tu tisses une relation avec tes parents qui est une relation d'adulte. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. Qui est pas pote, mais qui est plus dominant-dominé. Moi, je. Et qui reste parent, quoi. Ouais, enfin. Exactement, genre avec mes parents, ouais, on discute de tout et de voilà, rien. Voilà, c'est ça qui est bien. Il n'y a plus cette notion de comme tu dis, dominant-dominé. Ouais. Sans que ce soit forcément le cas, mais quand t'es enfant, tu le ressens souvent comme ça. Parce que c'est leur rôle. Et parce que c'est, parce que c'est leur rôle. Non, mais mes parents, que dire. Enfin, je les remercierai jamais assez de m'offrir tout ce qu'ils m'offrent. Ah oui, ça. Je pense que. Ouais. Sans eux, je serais pas qui je suis. Et en même temps, je pense pas que celui que je suis, c'est deux. Enfin, je sais pas si je suis ouais, clair. Ouais, mais c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. C'est pas évident, mais parce que je pense qu'on a à peu près le même avis. Ouais. C'est l'idée que nos parents nous ont vachement contribué à faire en sorte que là où on est aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ouais. Mais c'est pas non plus leur éducation qui a été primordiale et vraiment à la base de. Enfin, j'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose qui était voulu. Tu vois, moi j'ai un peu ce. Ça me fait penser à me faire monter à peu près à mes cours de sociaux au lycée, quoi. Mmh. Et Bourdieu et compagnie, mais c'est l'idée que. Ah, mais no joke, parce que le truc c'est. Le système de socialisation, tout ça. Certes, tes parents, ils t'influent plus ou moins. Ouais. Indirectement, tu t'en rends pas compte, c'est inconscient. Mais moi je. Alors, après, peut-être que j'ai pas cette recul, mais j'ai pas le sentiment que je suis la personne que mes parents voulaient que je sois. Ouais. Parce que je suis quand même, j'ai des opinions, pas à l'opposé, mais... Oui, divergentes. Assez divergentes de celui de mes parents. Je conçois pas la vie comme elle conçoit. Après, sur le fond, je suis en total accord avec ce qu'ils sont. C'est compliqué à expliquer. Il y a des différences fondamentales qui se créent à partir du moment qu'on n'a pas le même système scolaire. Moi, je sais que par rapport à mon père, c'est pas la même chose du tout. Ça, c'est hyper important. Mon père, il s'est arrêté... tôt, mais il a fait plein d'études, il a fait des études après, etc. Mais sur le coup, il s'est arrêté tôt. Ma mère, elle a fait des études, elle a fait sa vie, mais on n'avait pas la même forme d'éducation en fait. Il y a eu des grosses réformes, et heureusement, parce qu'il y a 40 ans, enfin, je sais pas pour vous, mais il y a genre 30-40 ans entre ma naissance et celle de ma daronne, et donc les moments où nous on était au lycée, etc. Ouais. Et du coup, on nous apprend les mêmes choses. Par exemple, nous, quand on était en primaire, c'est un exemple qui me vient en tête souvent, c'est on a eu du bourrinage sur l'écologie. On a eu dans les livres, je sais pas si vous vous souvenez, mais entre les pubs, il y avait écrit « Pense à éteindre le robinet quand tu brosses les dents ». Ça, par exemple, pour nous, c'est devenu un truc essentiel parce qu'on l'a vu toute notre jeunesse. Basique, quoi. Pendant toute notre construction en tant que personne, pas en tant qu'adulte, en tant que personne, on a eu les bails de « Est-ce que tu t'as jeté ton mouchoir pour pas filer la grippe à tout le monde ?» Des trucs comme ça, tu vois. Et de, cette pub de la grippe. Oui, c'est numéro là. Oui. Et on a eu aussi le... La fin du vivre ensemble à l'école, tu vois, en mode faut pas être raciste, machin, tu vois. On n'a pas eu beaucoup, nous. Mais la génération d'avant, ils en ont eu pas mal, tu vois. Ceux qui étaient genre au collège en 98, 99, 2000, etc. Et ça, par exemple, c'est une différence fondamentale parce que nos parents, ils ont pas passé leur enfance dans ce contexte-là. Par exemple, si je prends ma mère qui était à l'école, je sais pas en quelle année, dans les années 60-70. 60-70, c'est... 70 Mec, je sais pas quand est née ta daronne, mais. Ouais, 70 par an. Ouais, 70. Non, mais oui, par si tu comptes pas les 5 premières années. Non, non, oui, non, ouais. Non, ouais, bon, 70 quoi. À peu près. Si tu prends le contexte à ce moment-là, 70, on est en pleine guerre froide. Et, c'est ça qui est fou. Et moi, ça me fascine. Ouais. Et bon, ça, c'est un exemple qui m'a traumatisé quand je m'en suis rendu compte. Et c'était il y a pas longtemps. Mon père naît en 59 au Sénégal. Le Sénégal est indépendant en 63. C'est-à-dire que quand mon père naît au Sénégal, il est en Afrique occidentale française. Et ouais, putain, ça rentre pas forcément dans son éducation parce que quand il était à l'école, c'était indépendant, c'était pas la même chose, mais c'était un pays en construction, etc. Mais imagine les gens qui avaient juste 5 ans de plus que lui, ils ont fait leurs 6 premières années d'école dans une sous une enfin dans une colonie quoi et ouais. Du coup leurs jeunes années d'école et leur construction en tant que personne se passe totalement différent ça peut pas ressembler à ce qu'on a aujourd'hui nous voilà le contexte est totalement différent. Je pense que cette différence là pour moi elle est fondamentale, la différence de comment on va le contexte quoi ouais et aussi ce qu'on a nous maintenant, est-ce que surtout on les générations plus jeunes enfin plus récentes oui, enfin les autres, genre les 2000, 2003, 2010, 2000 machin, ils ont internet et ils ont une faculté à s'en servir qui est, ils s'en servent aussi de bien la merde. Ils s'en servent... Non mais ils savent s'en servir. Non mais ils se servent pas, ils savent pas servir internet. Mais ils savent s'en servir aussi bien que nous maintenant, sauf que c'est faux. Ils ont pas de discours de vieux rageux. C'est faux. Non, je veux dire pourquoi vieux rageux là. Non, autre joke. Non, en vrai, c'est pas vrai. Non, parce que ouais, j'ai deux, trois exemples, mais j'ai aussi des contre-exemples. C'est pour ça que ça m'est revenu en tête assez rapidement. Mais j'ai des petits cousins qui savent pas faire des CTRL-F, des CTRL-V, des machins à la con, tu vois, que tout le monde sait. Ça, et à côté pas... de ça, j'ai des mecs qui sont encore plus jeunes qui sont déjà des ingénieurs pour moi. Ouais, moi je te ils codent, ils savent coder des trucs. Quoi, ouais, non, mais c'est qu'ils ont des cours de code maintenant à l'école, gros. Où ça? En primaire, ils ont. Ah, pas dans le service public. En primaire, dans le. Pas dans le service en primaire, dans le B2I. Ils sont en train de rentrer du code. Nous, c'était envoyer un mail, je me rappelle. Le B2I, c'était ça. Gros, c'était pas le B2I, t'étais le pire des teubés, mon faire gars. Faire un copier-coller. Soit t'étais le pire des teubés, soit t'avais vraiment zéro thune et t'avais jamais touché un ordinateur de ta vie. Ouais. Ce qui était aussi possible. Et auquel nous, cas, je m'excuse pour les gens que j'ai traités de teubés. Moi, tu vois, par exemple, dans notre collège, sur la fin de... Jean Zé représente. Ouais, sur la fin de notre cursus. C'est Jean Zé, vous ? Attends, Jean Zé. Jean Zé, c'est un collège de... Mes parents se reconnaîtront là-dedans. C'était Jean Zé, tes parents ? Je sais plus, il y a peut-être un des deux, ouais. Ah, ben, SO, l'un des deux. Et en gros, sur la... par exemple, tu parlais de si t'as pas de sous, machin. Sur la fin de notre cursus, ils ont commencé à mettre en place un bail de... Ils ont changé les ordis, et tous les vieux ordis, ils les filaient à des gens qui n'avaient pas de sous et qui ne pouvaient pas, moi, j'avais pas ça permettre d'avoir accès à leur... Parce que c'était un collège de ZEP, et donc ils savaient que c'est dans un quartier avec une partie de la population qui était plutôt pauvre, etc. Même si dans le collège, il y avait vraiment une population très éclectique. Il y avait tout. Il y avait des gens de manier, des gens, bah, je vais pas dire les blazes, on s'en fout, mais des gens de droite, de gauche, qui avaient vraiment, il y avait vraiment des grosses différences de. Il y avait tout. Oui, il y avait tout. Ouais. Voilà. Il y avait tout. Là où je rejoins Barry, et je pense que c'est fondamental pour la compréhension de la question, ouais. C'est le contexte historique dans lequel on grandit, nos parents, par rapport au nôtre. Quand tu grandis dans la guerre froide, même si t'es un petit gamin français qui habite dans les Deux-Sèvres, ouais, je suis désolé, le système éducatif t'apprend des trucs que nous on n'a pas appris, qu'on n'apprend pas, qu'on n'apprend plus. Comme nos enfants apprendront d'autres choses qu'on n'aura pas. Mais il faut pas oublier que ce contexte-là, il est quand même. Enfin, je veux dire, jusqu'à la chute du mur, c'était. Mais même après. On se rend pas compte, nous on est nés après. Ouais. Mais il y a un avant et un après. Ouais. Et je m'en suis rendu compte que récemment. Mais c'est. Et je pense que la plupart des gens qui ont baigné dans cette éducation. On ne s'en rend pas compte parce que c'est un pays contemporain, un pays de l'Europe continentale. On n'a pas le sentiment, c'est pro-USA et compagnie, mais c'est marqué, tu vois, genre c'est vraiment profondément marqué en termes de valeurs, en termes de normes. Par exemple, moi je suis tombé sur les cours du lycée de Madarone. Les mêmes choses, tu vois. Je suis tombé sur les cours du lycée de Madarone quand on était dans la maison de mes grands-parents, je crois que c'était il y a 2 ans. On est allé. Pour les vacances, c'est une petite semaine. Ils étudiaient quoi? Et dedans, il y avait un... Le seul truc dont je me souviens... Je sais que, en fait, maths, anglais, français et tout, c'était exactement la même chose. Ouais. Exactement la même chose, alors qu'il y a vraiment pas mal d'années d'écart. Ouais. Histoire, c'était vaincre... en gros, il y avait... C'était pas ça la formulation, mais en gros, il y avait un chapitre, c'était genre vaincre l'horrible communisme, des trucs comme ça, tu vois. Souvent il y avait le terme de menace rouge qui la menace rouge, c'est la menace rouge, voilà. C'était mais la différence, elle est là. Ouais. Et mais après on va me dire oui, mais on s'en fout, c'est un truc d'histoire et tout. Non, ça influe vachement, parce que on s'en rend pas compte, mais ça influe vachement sur les valeurs qui sont transmises à travers l'éducation, enfin à travers l'école, à travers ce genre de trucs. C'est des trucs qu'on n'a pas grandi avec. Et comme tu dis, nos enfants grandiront avec d'autres valeurs, avec d'autres choses qui sont transmises à travers l'éducation, etc. C'est propre à chacun à son contexte. Mais c'est vrai que nous, on est dans une génération, je dirais, qui... on peut se confronter à nos parents dans le sens où on a vraiment grandi dans deux contextes très différents. Ouais. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on s'oppose, tu vois. Mais je pense que, tu vois, la différence entre nous et nos gosses sera moins profonde. Mais on ne sait pas. C'est compliqué à dire, on peut pas. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois la différence entre plus, nos... Je suis plus d'avis de dire ça que l'inverse, oui. Parce que la différence entre nos parents et leurs parents était pour le coup spectaculaire par rapport à tout ce qu'il y a eu avant. Parce qu'avant, c'était vraiment la même chose, c'était des schémas qui se reproduisaient. Et à partir de nos grands... J'ai l'impression, après c'est une impression que j'ai. Les parents de nos parents, donc nos grands-parents, sont nés généralement dans les années 40, années 30, grand max, on va dire. Bien non. Ah ouais, bon, pas les miens, je sais pas. Mes parents sont nés dans les années 40. Je dis n'importe quoi. 40. Ah ouais. C'est pas, on peut pas dire que ce soit des gens qui ont connu la guerre. C'est des gens qui ont plutôt grandi dans les 30 glorieuses, tu vois. Moi, mes grands-parents ont connu la guerre. Ouais, ils sont un peu plus âgés, ok, d'accord. Mais en général, moi qui ai une vingtaine d'années, mes grands-parents sont nés dans les années 40, donc on peut pas dire qu'ils aient connu la guerre. Ouais. Ou alors très très peu, ils ont pas de souvenirs, tu vois. Ouais. Ils ont plus grandi dans les 30 glorieuses. Dans la reconstruction. Ouais, la reconstruction, ouais. Tout ça, le plein emploi, tout ça. Ouais. Je pense qu'il y avait la génération d'encore avant, ça doit être encore plus compliqué, parce que c'est des générations qui ont soit connu la Première Guerre mondiale, soit la deuxième. Soit l'entre-deux-guerres et la deuxième. Ouais. De là à dire où est l'écart le plus important, c'est compliqué, tu vois. Je saurais pas dire, parce que pour après, le coup, nous, on est en histoire, donc on va pas se lancer sur une expertise, mais après, je pense que le 20e est particulier, mais peut-être se recentrer un peu sur la question. Ouais, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que moi, je sais que je suis plus proche de mes parents aujourd'hui que eux ne l'étaient de leurs parents à mon âge. Mais moi, je sais pas. Moi, je sais que pour mon père, oui, parce que mon père et son père avaient une relation compliquée. Ouais, c'est vrai. Mais ma mère et sa mère étaient proches aussi, mais différemment, tu vois. Mais pas du tout comme nous on l'est aujourd'hui, nos parents. Non, rien à voir, je pense. Parce que je ne sais pas si ça c'est à cause du contexte ou alors juste des mentalités qu'on grave changé. Je pense qu'il y a un rapport de mœurs. Il y a des mœurs qui ont évolué. Moi, je pense. Et surtout, il y a moins de pudeur avec ses parents. Pas dans le sens tu montes ta bite à ta mère, non. Flemme. Il y a moins de pudeur dans le sens où les gens se parlent plus honnêtement, j'ai l'impression. Librement, ouais. Et les gens osent un peu contredire un peu leurs parents. Ouais, même, ouais. Et alors qu'avant, ça se faisait pas. Je sais pas si avant ça se faisait pas. Je sais pas. Ça dépend des familles, en fait. Je sais que mon daron était le premier à tenir tête à son daron à lui, tu vois. Mais c'était. Tu vois, je sais pas si je peux vraiment me comparer à leurs deux histoires, parce que mon père, il vient d'un autre continent. Ma daronne, elle vient d'une montagne. D'une montagne. Elle vient d'une montagne. Ma mère, elle a grandi dans les Pyrénées, dans un bled, enfin pas un bled, mais un village où il y avait vraiment 300 personnes, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'ai grandi dans une ville qui est pas immense, mais il y avait 70 000 personnes. Ouais. Donc, vraiment, c'est pas la même vie. On n'a pas la même vie. Et du coup, j'ai l'impression que c'est difficilement comparable. Mais pour recentrer sur ton sujet, j'ai rien à dire. Voilà. Pour revenir à ce que tu disais, Mathis, c'est est-ce qu'on a une relation plus facile ou plus fluide peut-être avec nos parents que nos parents l'avaient avec les leurs? Ouais. Je dirais que ça dépend, parce que moi, je sais que ma mère était pas spécialement hyper proche de ses parents. Ouais. Plus dans le conflit et tout, mais mon père, à l'opposé, a toujours été hyper fusionnel avec ses parents, tu vois, ouais. Et encore aujourd'hui. Ouais. Mon père, ses frères et sœurs, avec ses parents, sont hyper soudés, tu vois. Ouais. Est-ce que je suis plus proche de mes parents que eux ne l'étaient des leurs? Moi, je me considère très proche de mes parents. Ouais. Point trop n'en faut, parce que je pense que c'est quand même important, après chacun va midi à sa porte. Ouais. Mais, je pense pas que ce soit spécialement une question d'époque ou quoi, parce que je pense que ça dépend plus d'un contexte social que d'un contexte d'époque, parce que il y a des gens qui sont très proches de leurs parents même il y a un siècle, je pense que t'as raison là-dessus. Et moi j'ai l'impression qu'en tout cas aujourd'hui nous, enfin dans mes proches et tout, dans nos amis, les gens ont quand même une relation plus ouverte avec leurs parents. Ouais, indéniable, je pense. Ouais. Bah ouais. Ouais. Ouais. Par exemple, moi, ma daronne, elle m'achetait mes premières bouteilles d'alcool, j'avais 15-16 ans. Alors là, on est pas rendu dans le milieu. Quand je te dis ouvert, c'est-à-dire qu'elle n'aurait jamais demander à ses parents d'avoir une bouteille d'alcool pour faire une soirée, parce que déjà, il n'y avait pas de soirée avant 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu vois. Moi, je sais que mon père, avec ses parents, c'était assez open. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quel point, parce que je n'ai jamais trop posé la question, mais je sais qu'ils étaient plutôt dans une relation assez ouverte. C'est vrai que j'ai jamais posé la question. En fait. Ils pouvaient se permettre de, si j'ai bien compris, d'après leur témoignage, mon père pouvait se permettre de sortir, de sortir et de revenir tard. Ouais. Ma mère, pas du tout. Beaucoup moins, en tout cas. Ouais. Et moi, ma mère était dans une montagne. Non, mais comme je le dis, le temps qu'elle descende de la montagne, déjà. Mes parents, c'était une histoire différente. Mon père, il est parti de chez lui à 17 piges, il a pris un bateau, il est parti en Espagne. Donc, tu vois, là pour le coup, toi, c'est vrai que de ton côté, c'est compliqué. C'est une comparaison qui est vraiment différente. Ouais. Mais j'avais un autre truc à dire et je l'ai perdu. Du coup, je vais vous laisser parler, je vais le retrouver. Puis si vous en avez. Moi, malheureusement, je peux pas. Mais si vous pouvez en parler avec vos grands-parents, ce serait vachement marrant. Je sais pas s'ils sont vivants ou quoi, mais d'essayer de parler de la relation qu'ils ont avec leurs gosses, donc vos parents, ce serait vachement intéressant. Moi, quand ils avaient 20 piges. Quand ils avaient 20 piges, ou même l'évolution. Moi, je suis né, ils sont morts. Ils se sont dit, bon, flemme de le voir. Pas envie. Et du coup, je pourrais pas le faire, mais vraiment, je serais content de savoir ce qu'ils ont. C'est vrai, j'en ai jamais parlé. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est important. C'est vrai que moi, ce qui manque, c'est des photos de mes grands-parents, j'en connais pas beaucoup. Ouais. Parce que c'était en même temps, bon, c'est pas que ça existait pas, bien de là. C'est juste que c'était très cher pour l'époque. Il n'y avait pas Instagram, je crois, à l'époque. Je suis pas sûr. Ouais. Faudrait vérifier les dates. En tout cas, il n'y a pas de hashtag. Non, il n'y a pas ça, c'est sûr. Ouais. Bah, ça, c'est sûr. Les stories non plus, il n'y avait pas. Mais tu vois, nous, on est en histoire, on voit beaucoup de photos dès le 19e. Ouais. Nos grands-parents, ils ont grandi au milieu 20e. Ouais. J'avais pas vu beaucoup de photos de mes grands-parents, tu vois. Ouais, je pense que c'était quelque chose qui était pas très accessible. Et quand il y a des photos, c'est qu'ils sont tous habillés sur leur 31, ouais, parce que c'est les grandes occasions. Moi, ce que je voulais, mariage, ce que j'ai chez mes grands-parents, c'est les photos de communion. Ouais, ouais, voilà, ça, des événements. Ouais, des photos événementielles. Ouais. Tu faisais pas une photo comme ça d'un seul coup. Et sinon, les photos de. Enfin, je suis pas sûr qu'il y a des photos de famille chez ma mère. Il y en a chez mon père. Mais. Ça se faisait pas mal quand même. Ou alors elles sont très solennelles. Ou ouais, ouais, assez, ouais, il y a ça chez mon père, c'est trop marrant. Oui, c'est vrai qu'il y a pas la photo de profil avec la bouteille de champagne. Avec la maman sur la chaise. Ouais, voilà. Ça, c'est trop marrant. Mais. Ouais. Voilà. Et après, pour. Pour peut-être conclure là-dessus, il demandait si l'enfance était un peu une page blanche sur laquelle les parents ils écrivent tout, tu vois. Bah ouais, bah là, mec, je t'invite à dire Bourdieu parce que, encore une fois, quoi, je veux dire. Non, mais c'est le. Est-ce que l'enfant est une page blanche sur laquelle on écrit? Oui et non. Enfin, après, peut-être que j'ai pas assez de recul, je prends mon exemple là pour le coup. Peut-être que j'ai pas assez de recul, mais je dirais que à moitié oui, à moitié non. À moitié, je suis ce que je suis parce que. Je suis le fils de mes parents parce que j'ai grandi dans le contexte qui t'ont orienté vers une voie. Voilà. Mmh. Et en même temps, j'ai quand même le sentiment d'avoir forgé mes propres normes, mes propres valeurs à travers le temps, à travers mes relations. Donc je dirais que c'est du 50-50. Il faut voir jusqu'à quel âge tu considères qu'on ait une page blanche et qu'on peut t'écrire dessus. Je peux m'exprimer ainsi. Et toi, tu penses que t'étais une page blanche quand t'es né, toi, Mathis? Je sais pas si j'ai été une page blanche, mais qu'en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, les valeurs que j'ai et les choix que je fais, même si je suis persuadé que c'est les miens, je sais très bien que je les ai parce que c'est mes parents qui m'ont éduqué dans ce sens-là. Peut-être en partie, peut-être pas totalement. Je sais pas, mais en fait, moi, genre, mon père, ça a toujours été un exemple pour moi, et que du coup, même quand je voulais faire autre chose que ce que lui décidait, je m'en rapprochais à la suite de ce qu'il voulait que je fasse concrètement, tu vois. Je sais pas si t'arrives à voir la. Mais tu considères pas ça comme un frein ou comme quelque chose que... Ah, pas du tout. Non, okay, ah non, vraiment pas. Plus non, comme un accélérateur qu'autre chose. Tu vois. Ok, très bien. Parce que. Enfin, genre, tout. Il a plutôt une belle réussite dans sa vie et tout, en passant par des galères dans tous les sens. Ok, ok. Mais la fin est cool, quoi. Ouais, ouais. Et que si je pouvais avoir la même fin. Ouais. De toute façon, il est loin d'être fini. Hein. Ouais, on d'accord qu'il n'y a pas de fin encore. Non, non, hein, non, on parle pas de Game of Thrones là. Nous sommes ici pour célébrer le décès du papa de Mathis. Oh là, merde, je l'apprends comme ça en plein live sans capsule, ok. Loin de là, j'espère. Mais... Tu vois, moi par exemple, je pense que ma mère, elle a fait en sorte que je puisse devenir qui je voulais. Elle voulait pas que je devienne une personne précise. Rien qu'en faisant ça, tu vois. Non mais c'est un truc. Ouais, c'est pas exactement. C'est hyper nuancé. Comme toi. Mais c'est dans le même sens. En gros, ma mère, elle a voulu que je puisse faire, qu'il n'y ait rien qui me freine. Ouais. Que c'est pas parce qu'on n'est pas riche que je peux pas avoir accès à la culture. Elle m'a inscrit au conservatoire. Ça, c'est une putain de valeur qu'elle t'a donnée, tu vois. Ouais. Mais c'est en te laissant le choix, c'est un. Cette valeur-là, c'est une valeur qui vraiment me tient à cœur. Enfin, tient beaucoup à cœur, qui est au cœur de mon projet pro. Que si jamais il se réalise, je serais content, tu vois. Inch'Allah. Mais inch'Allah. Et je sais qu'elle voulait que je puisse faire ce que je veux, par exemple. Mes parents, ils ont fait en sorte que j'ai pas de religion quand je suis né. Genre, ils m'ont pas baptisé, ils ont pas fait, ils ont rien fait, pour que je fasse moi-même le choix une fois que j'en serai conscient et que je puisse prendre la route qui m'intéresse le plus, tu vois. Okay. Pour moi, ça c'est un. C'est pas déterminant, mais ça représente, vraiment bien. J'ai choisi le choix de l'alcool, du coup. J'ai pris l'alcool. Ouais. J'ai pris le la sang plus belle religion, du coup. Non, tu vois, pour moi, ça c'est caractéristique de. On te force à rien pour que tu puisses devenir qui tu veux, tu vois. Et d'un côté, c'est le fait qu'il m'ait forcé à rien qui a fait que j'ai pu devenir qui je suis. Et de l'autre côté, c'est le fait qu'il m'ait forcé à rien qui a fait que j'ai fait mes propres choix et que moi je suis. Bah ouais, exactement. Mmh. Voilà. Bah là, t'as ciblé exactement. Bah t'as bien résumé, je trouve, le sujet là-dessus. Ouais. Bah je suis incroyable, vous pouvez le dire. Ouais, on va applaudir. En fait. Bravo. Je pense qu'on va conclure. Allez, hop. Allez, au secours. Ah. Ah. Très belle conclusion, en tout cas. On va pouvoir conclure là-dessus, j'imagine. Sur la belle chute des bouteilles. Non, mais un thème très intéressant, très émouvant, hein, qui prend aux tripes. J'ai pleuré 3 fois. On se met un petit morceau pour... pour détendre l'atmosphère. Yes. Ton père. souvent cette erreur, tu sais, de croire en des gens qui pensent qu'ils sont ses amis et qui sont simplement intéressés. Bah, j'ai pris exactement le même défaut. Mais je sais, c'est pour ça que je te le dis. C'est pas par hasard. Hein. Yo. J'ai raccourci ma guest list. À l'aube de la victoire, ouais, j'en aperçois l'esquisse. Elles sont vénades, j'en suis devenu sexiste. Rien n'a changé, je m'exile. Elles savent pas faire grand chose à part vouloir montrer qu'elles existent. Veuve, cricot dans le seau, j'y repensais dans ma suite. J'suis pas dans le classement des rappeurs à suivre. Mais j'fais plus de bif que les rappeurs à suivre. Donc tous ces médias peuvent bouffer ma bite. J'ai mon propre business, ma propre salle, ma propre vitesse. Si j'ai peur d'y arriver trop tard, question rhétorique, DiCaprio pour un Oscar. Nique les trophées, j'ai des buts plus honorables. C'est moi qui écris l'histoire, donc elle me sera favorable. Je fais du son pour les gens qui ont du coup. Mais dans ce bête, j'en a pas beaucoup. Non, dans ce bête, j'en a pas beaucoup. Donc venez, on reste entre nous. J'aime les déesses Calipige, les Nefertiti, les Khaleesi. J'aime les voir marcher au ralenti. Quand je te tiens la porte, baby, c'est jamais par galanterie. 14 février, jamais de Valentine. Palace Mafia, avec respect quand j'allume mes gars. Car je sais que je touche les mains qui m'ont sorti de l'eau. Je pense au son même en vacances. Je voulais 100 000 à mes 30 balais, j'ai 2 ans d'avance. La famille avant l'oseille, tristesse, business. J'exorcise mes blessures et les transforme en petites pièces. Bitches, vous rappez dans le vide. Négro uni par les convictions, la passion, l'élévation comme seule motivation. On se retrouve après ce magnifique morceau. C'était Veuve Clicquot. C'était cool. De Luigi. C'était Veuve Clicquot. C'était vraiment un très bon morceau. Je vous recommande l'album. Je sais que Flo l'a écouté un peu, toi. Non, toi, t'es un pas du tout. Très bon, très bon. L'album s'appelle Tristesse Business saison 1. Il y aura une saison 2, il a dit, peut-être dans 10 piges, je sais Chala. Pas, je la ferai quand j'aurai envie. En tout cas, c'est un super bon album qui sonne vraiment un peu Drake, mm-hmm. mais du bon Drake, du Drake bien fait. Non, et, ouais. Et du coup, la scène est faire, je trouvais ça ouais, très bon. Vraiment, c'est sympa, donc je vous encourage à aller l'écouter. Allez-y. SO à notre pote Raph. C'est mieux que ODD. Non. ODD SO à notre pote Raph. Que vous avez entendu dans l'épisode 7, qui est aussi dans la Didascalie, dont on parlera plus tard, qui m'a fait découvrir ce mec-là avec un morceau très poétique qui s'appelle Foufoune Palace. Incroyable morceau. J'ai vraiment envie de l'écouter. C'est vraiment un très bon morceau. J'ai vraiment envie de l'écouter. Que je mettrai en conclusion. Remember. À l'époque du Salty et compagnie. Alors, c'était du long. On se retrouve maintenant. On est sur la fin de ce podcast, mesdames, messieurs. Oui, ça va se finir, vous inquiétez pas. Oui, oui, la fin ouais. Je sais que... Les jeux. Je oui. sais que, voilà, il a tout compris. Ah là là. C'est évidemment la séquence préférée. C'est vrai. De votre séquence préférée. C'est vrai. Je sais que vous trouvez ça peut-être un peu lourd, mais on s'est dit que, voilà, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, vous retour. Et moi, et du coup, on en profite. Faut pour rester un peu là. Faut s'en pardonner, on a des trucs à vous dire. Voilà. Écoutez, et si vous n'écoutez pas... Écoutez, on va faire des épisodes un peu plus longs, parce qu'on l'a senti comme ça, et puis c'est tout. Et c'est le moment, comme vous l'avez tous bien senti, des jeux. Et pour cet épisode 9, si je ne m'abuse, épisode 9. Flo, ça fait tellement longtemps qu'il a pas enregistré. Ah, mais je me rappelle plus de quel épisode c'est, putain. Épisode 9, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, 9, c'est bientôt bien. 10. Ouais, attends. T'sais, genre, c'est et 10 le 10, ans, quoi. Et le 10, saucisse, alors. Oh. Yes. Pour cet épisode 9, j'ai eu une idée absolument folle et pas du tout révolutionnaire. Arrête, c'est vrai ? C'est pas vrai. L'idée. Du jeu qui s'intitule Sus nommé 2 points, ouvrez les guillemets, qui peut battre Barry ? Personne. Oula ! Chaque semaine, ou plutôt, enfin, chaque épisode. Chaque épisode. On t'engage pas sur des semaines. On va pas se mettre sur un rythme déjà. Chaque épisode, l'invité se retrouvera confronté sur un test de culture générale. Aïe aïe aïe. À Barry, aka The French Monster. Monsieur Justin Trudeau. La culture G, c'est mon domaine. Ceci est inaudible. Ceci est absolument inaudible. Donc on va enchaîner, on va essayer de faire en sorte que ça ne dure pas non plus Monster. Une heure de plus. Pardon. Pour essayer d'arrêter de s'amuser avec les effets. Très bien, donc test de culture générale, Mathis versus Barry. Je vous demandais s'il vous plaît de choper, de me donner, pardon, un numéro entre 21 et 40 qui déterminera le quiz auquel vous serez confronté ce soir. Je te laisse faire. Ok, entre 21 et 40. Tout à fait. Je dis 27. 27, ce sera donc ce quiz numéro 27. Si vous en êtes déçu, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de Mathis. Il n'y a pas de problème. Je suis sûr que c'est le meilleur, le 27. Vous êtes prêts, messieurs? 10 questions. Oui. Personne ne voit mon computer? Non. Non. C'est parfait. 10 questions. Celui qui souhaite répondre à la question en premier. Est-ce qu'on peut avoir un jingle, chacun un jingle, et on peut choisir un jingle? Un buzzer? Un buzzer, si vous voulez, ouais. Ouais, ouais. Tu veux quoi comme buzzer, okay, toi? Je sais pas. Inspi. Paf! Bonne inspi. Bah, toi, t'adores faire clair. Saturer. voilà, je vais prendre du plaisir au montage. Moi, ça va être un petit chien. Ah, okay. Il est pas mal, le tien. T'as vu? Okay. Okay. Mais t'arriveras jamais à le placer rapidement. Non, je veux dire. Pouloulou. Voilà. Ok, je vais te cramer avec mon paf. Pouloulou. Pouloulou. Faites attention, c'est moi l'arbitre. Je serai attentif au buzzer. Celui qui buzz a la parole. C'est celui qui commence en premier, celui qui finit en premier. Et si on donne la réponse sans buzzer, réponse non validée. Oui, non. Exactement, les points pour l'autre même, j'ai envie de dire. Oh ah ben oui, non mais moi je suis comme ça. Oh la vache. Les règles sont les règles, les gars. Les règles sont c'est les comme règles. Ça que je vais gagner. Vous buzzez, je vous donne la parole, vous donnez la réponse. Très bien. Hey, okay. On baise. On baise. Non. C'est okay. Un test de culture générale. De cul. C'est un test de cul. De niveau intermédiaire, j'ai choisi. Oui. Parce que je sais. Pour Mathis. Enfin, attention. Ok. Ouais. Ah ouais. Okay, on parle là-dessus. Je vous rappelle que j'ai gagné contre Charles au jeu des noms de rappeurs. C'est pas faux. 10 questions, je ne connais pas les questions. Ah merde. Si le niveau est finalement trop facile, tant pis, j'ai envie de dire. Est-ce que tu te dérangeais de dire que tu savais pas les questions? Tout à fait, je vous ai demandé de choisir entre 21 et 40. C'est parce qu'il y avait autant de. Tu les as pas tous appris par cœur. Je suis sur culturegénérale.com. Je pense que tu as raison. Merci. Donc vous avez choisi le test numéro 27. C'est en effet. Eh bien, allons-y. Question numéro 1. Ah, la pression. Quelle est. Attention, donc je vous donne oui, oui. La question. Et on peut répondre qu'à la fin de la question. Tout à fait. Ah si bon vous ne trouvez pas, vous aurez 4 propositions. Ok. Ok, très bien. Ok. Question numéro 1. Quel est le premier long métrage d'animation des studios Walt Disney? Paf. Mathis. Blanche-Neige et les 7 nains. En 39. Blanche-Neige. Je pense que c'est ça. Et les 7 nains, c'est une bonne réponse. Oh! Bien joué. 1-0 bien joué. Pour Mathis. C'est en 10 points, rappel. C'est en 10 points. Enfin, c'est en BO10. Donc, le premier arrivé à 6, normalement, a gagné. Ok. Ok. Deuxième question. Avec quel groupe Manu Chao chantait-il Malabida en 1988? Non, je sais pas. Je peux vous proposer 4 propositions. Carré. Les Vents Passent, ouais. Noir Désir, Beurrier Noir, La Mano Negra. Poulou. Les Vents Passent. Les Vents Passent pour Barry. La main passe à Mathis, c'est une mauvaise réponse. Non. Te reste Noir Désir, Berrurier Noir, La Mano Negra. La Mano Negra, bien évidemment. C'est une bonne réponse. Ah oh là là là là. Oh, il est fort, il est très fort aujourd'hui. 2-0 déjà pour l'invité. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Qui peut pas de Barry, hein. Apparemment tout le monde. Vous allez me détester sur celle-là. Oh non. Comment écrit-on des savoir-vivre au pluriel? Je crois avoir la réponse. Boulou. Barré. Ça dépend, on peut l'écrire. Non, il n'y a pas de ça dépend, il n'y a pas de ça dépend. Okay. La main passe. Je vous non, mais je vais vous donner les propositions parce que là, c'est une question d'orthographe. Non, un peu non, Barré lance one shot. D, espace, savoir, S-A-V-O-I-R, tiret, vivre, V-I-V-R-E-S. Faute. Mathis. Non. S-A-V-O-I-R, V-I-V-R-E. Bonne réponse. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Y'a pas de... Non, parce que c'est un verbe. Quand c'est un verbe, y'a pas de pluriel. Une... Hey, c'est un beau t'inquiète jeu, il est meilleur que toi. Non mais... Hop. Là vous le voyez pas, mais je dab. Le dab est lancé. Dab. Dab. Toi je fais un... Pour le doggy de... Dab. À chaque fois que dab, je dis dab. C'est très long. Dab. 3-0. Je m'envole. 3-0 pour Mathis. Non. Attention Barry, s'agirait de rebondir tout de suite sur cette question numéro 4. Top, y a pas de top, je vais pas dire la question. Ça me met le stress à chaque fois. Parmi les écrivains suivants, oh la vache, oh. Lequel repose à Saint-Malo? What? Donc là, vous avez direct les propositions. Ok. Barrès, Beaumarchais, Dumas, Chateaubriand. Paf. Mathis. Dumas. Ce qui part sur un Dumas, c'est une mauvaise réponse, Barré. Pour Loulou, Chateaubriand. Chateaubriand, c'est une bonne réponse. Ah, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Le seul que je connaissais avec Dumas, il a dit Dumas avant moi. Ah, moi j'aurais dit Chateaubriand aussi. Donc Saint-Malo d'ailleurs, où il y a plein de châteaux qui brillent. C'est vrai. Ah, j'ai oh non, oh non, il m'a ça y est, ouais, ouais, ouais. Oh, ah, mais moi aussi. Ah, moi aussi, au début, j'avais du mal. Ah, mais les bolos, je l'ai super. Question numéro 5. 3-1 pour Mathis. Question numéro 5. Putain, j'ai cru en plus. Qui est l'actuel roi du Maroc? Fouloulou. Ramsès II. Oh. Barry, il a dit Ramsès. Barry, j'écoute ta réponse. Mohamed VI. Il est mort. Mohamed VI, c'est une bonne réponse. Oh non, belle. Celle-là, celle-là, elle est, elle très, est belle. Très, très hein, elle est très belle. Très propre. Si vous avez un problème, pas de soucis. 3-2. On appelle ça. Toujours pour l'invité. À l'espoir. Allez, okay, 3-2. Question numéro 6. Quelle invention doit-on à Gabriel Fahrenheit? Pouloulou. Le. Barry. Paf. Barry, Barry. Paf. Non, j'ai dit. 3. La température. Le thermomètre. Oh non, mais il a dit la le thermomètre. Il a dit la température. C'est une bonne réponse. Mais il a dit la température, j'avais le thermomètre. Je disais le truc pour calculer la température. Il a dit thermomètre, et c'est ce qu'il voulait dire. Je m'applaudis moi-même. Je suis dégoûté, mais je t'applaudirai pas sur celle-là parce que c'est de la triche. Il a dit, il a inventé la température. Mais non, mais. Écoutez, ça fait 3 partout. Oui, ça fait 3 partout. D'accord, d'accord, alors, très bien, j'accepte. Question numéro 7, le suspense c'est palpable. Je me suis fait coiffer sur le poteau. Parmi les animaux marins suivants, attendez mes propositions. Oh, ça c'est un truc pour Vincent. Ça. Lequel est considéré comme l'un des plus rapides du monde? Non. Le requin marteau, le voilier de l'Indo-Pacifique, la baleine ou la sole? Pouloulou. Barry. Le voilier de l'Indo-Pacifique. Le voilier de l'Indo-Pacifique, c'est une bonne réponse. Non, oui. Oh, la remontada. Oui. Barça PSG. C'est une arnaque. 2016. Il joue avec le hasard, messieurs, dames. C'est du vol. Rien n'est fait. 4-3, Barry. 4-3. Le gars s'appelle le voilier. À quoi ressemble le voilier de l'Indo-Pacifique? Mais son nom, c'est voilier. Il est forcément rapide. Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Question numéro 8. Ça, c'est 4-3 là. Peut-être à l'avantage de Barry, c'est une question un peu historique. Oh non. Oh, à la veille de quelle révolution Lamartine a-t-il déclaré la France s'ennuie? Pour Loulou, la commune de Paris. Non. Ah merde. Mathis. La main est à moi. Ouais. Donc là, j'ai les 4 réponses. Écoutez bien la question. À la veille de quelle révolution Lamartine a-t-il déclaré la France s'ennuie? Moi, j'attends les propositions. Donc la révolution de la France que tout le monde devrait connaître, mais pas que personne ne connaît. 1830, 1870, 1889, 1848. Ah, fallait une année. Oui. Ah, mais de toute façon... Mais toi, t'avais dit quoi? T'avais dit la commune, Marie? La commune, Marie. Donc 70. Ouais, non, mais c'est pas ça. Ok. Est-ce que je peux réavoir les dates, s'il te plaît? Du coup, t'as 30, 1830, 1789, la révolution, ouais. Et où 1848. Moi, je dirais bien 1830. Mauvaise réponse. Aïe, aïe, aïe. Pouloulou, 1848. Bonne réponse. Oh non, 5-3. Au bout du buzzer. J'y croyais tellement. En fait, c'était soit 40, soit 70. Oui, bah vas-y, étale ta science. Oui, bien sûr. Bah, je suis historien, j'ai fait ça pendant 2 ans. On est à. C'est la récompense de tes 3 années de fac. Donc on a. 4. Au mieux, on a une égalité. Exact. Sinon, on doit trouver une question, bien sûr, qui vous départage. On va en partir après. Ah ouais, au mieux, là, j'ai une égalité, j'ai pas de victoire là. Ouais. Oh non, c'est Mathis, c'est maintenant ou jamais, tu as 2 questions pour. Égalisé. Ok. Question numéro 9. C'est une question que je juge assez simple. Il va falloir être rapide, je pense. Paf, paf, paf. Quel état a pour capitale Ljubljana? Paf. Mathis. Lituanie. Mauvaise réponse. Non. Barry. Ljubljana. Ljubljana. Est-ce que je peux avoir les 4 trucs, s'il te plaît? Tu mènes? Non. J'ai envie de dire que non. Oh. Est-ce que Ljubljana. Moi, je peux les avoir? Ljubljana. Ljubljana. Non, je peux pas avoir, t'inquiète pas. Ljubljana. Bah tente un truc. Comme capitale, un état. Si vous trouvez pas après ta réponse, Barry, je donnerai les propositions. Oh, c'est abusé. Tu mènes. Bah, au pire, je dis rien et comme ça, y a pas les propositions. Non, mais tente un truc. C'est toi qui as la main. C'est un état ou un pays? Un état. L'Oregon. Non, mais. Mais non, mais c'est un pays. Mais j'ai aucune idée. C'est un pays quoi. Un état, c'est un pays. Le Bangladesh. Bon, mais paf. Slovénie. Slovénie pour Mathis. C'est une bonne réponse. Yes, I! Ljubljana, putain, les gars, merde! Je connaissais pas. Ouais, 5 à 4, Mathis peut encore. Je tape mes fuck là. Mathis peut encore égaliser dans ce duel face à qui peut battre Barry. Ouais. Mathis peut encore égaliser, question numéro 10. Très bien, c'est la mienne. En 1305, dans quelle ville le pape part-il s'installer au détriment de Rome? Pouloulou, Avignon. Ah, oh, belle. C'est oh, une c'est bonne réponse. Non! Oui! Oui! Je me casse! Je me casse! Il a fait un mic. C'est vrai que la licence d'histoire de Barry, il a peut-être avantagé sur cette dernière. Là, il dab. Là, il dab deux fois. Il a fait le sud de Ronaldo. Oh la vache. C'est une belle victoire. Vous savez quoi? Je lui serre la main. Ça, c'est très sport de votre part. Eh ouais. Mais allez. Sachez que j'ai un énorme seum de ce qui vient de se passer. Je l'ai niqué. Allez. Ah, les questions historiques qui ont... Ah, les questions historiques. Donc, qui peut battre Barry? Histoire, pas moi. Alors qu'en géo, ridicule. Hein. Oh, Barry, on se rappelle de l'Oregon. L'Oregon, la première nouvelle. Je me dis peut-être qu'il y a un jeu de mots et que c'était un état américain. Et je me dis le premier qui m'est venu en tête, c'est le français qui tombe. Eh bien, écoutez, belle bataille. Qui peut battre Barry? Apparemment, n'importe quel invité. Et non, finalement non. C'est une deuxième victoire d'affilée, voilà, c'est pas sûr de moi. Ah, il a bien joué, il a bien joué. Il a remonté comme écoutez, fait ce que j'ai pu. Je suis parti sur 3-0, j'ai gagné. Ah, ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Est-ce que le prochain invité sera te battre? J'espère vraiment, je mets une pièce sur ça lui. Ça dépend de la qualité de l'invité. Du coup, je pense qu'après ce jeu magnifique, on va passer à mon jeu qui vient d'une idée de Mathis. Je vais pas faire le crevard. C'est vrai. Mathis m'a envoyé un message. Il m'a dit, j'ai une idée de jeu. La salade. Fais ça. J'ai dit, je vais faire ça. Je ne relèverai pas cette blague. Dommage, j'étais très bien. En gros, le contest, ça va être un remix blind test. En gros, je vous explique. The remix blind test. C'est comme un blind test, sauf qu'en fait, je passe des remixes de morceaux et vous devez trouver l'original. Okay. Sauf que je me suis permis un petit add-on. J'ai rajouté des covers avec. Ouh. Et pour que ce soit pas trop long, je crois que j'en ai qu'une ou que deux. Et avec les covers, vous devez retrouver le bon morceau. Bon, okay, c'est ma deuxième chance de gagner ce soir alors. Vous êtes prêts? Allez. On va commencer avec. Si je perds deux fois, je ne reviens jamais. Hein, on va commencer avec une cover. C'est parti. What the fuck? Je crois que j'ai pas compris le jeu. En gros, vous devez retrouver le morceau de base. Ah putain, c'est tellement dur. Ça, vous trouvez ça dur? Vas-y, remets. Ok, bouge pas. Continue. Bouge pas. Ah, mais écoute, ouais. Work, Rihanna. Oui, c'est oh bon, la bon. Vache. Ah, je l'avais. 1-0 pour moi. Tellement bien, ça. Bravo. C'était dur, hein. Moi, je vais être nul. Ah, la vache, j'étais dur. Hein. Je vais être nul, là, ça. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pas work. Elle dit work. En fait, c'est que c'est une indienne. Et en fait, okay. Elle le chante, elle fait walk. Et elle tape sur la jambe, mais à un moment, il est dit. On est sur un jeu raciste du coup. Non, non, ne me traite pas de raciste. Non, j'adore ce jeu. Yes, I. Un point. 1-0 pour Mathis. Profite. Oui, bah, alors, on a encore me faire remonter. On va passer sur un deuxième extrait qui est assez compliqué. Mais je me suis dit, si vous avez une culture, j'adore ce jeu, machin, vous allez kiffer. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Yes. Allez, c'est un dubstep remix d'un morceau. De base, un morceau bien connu. Ok. C'est Skrillex? Non. Non. Là, on peut pas trouver, on est d'accord. C'est le seul blaze dubstep que je connaissais. Justement, c'est un remix dubstep d'une musique normale. Ah, d'accord. C'est un remix d'un morceau classique. Classique? Ah, ouais. Mais un morceau très connu. Ok. Nanana. C'est Beethoven, ça. Oui, bien vu. C'était Beethoven, la lettre à Elise. Je vais vous mettre le vrai son. Petite honte pour moi, parce que ma mère joue au piano. Ah. Et donc, je l'entends très souvent. Voilà. Oh, quelle douceur. Ma mère qui joue d'ailleurs, là. Ouais, on embrasse maman Mathis. Peut-être que t'aimes pas tant que ça tes parents. Il va créer des tensions. Quel chien. Désolé, maman. Ok, on passe sur une ambiance plutôt froide. Ah, putain. Je suis sûr d'avoir. C'est une chanson de l'hiver. Ah, c'est Petit Papa Noël. Non. C'est Jingle Bells. De qui? Bah, de Frank Sinatra. Non, de Stevie Wonder. J'ai passé. Ah, je l'avais pas du tout. Je l'avais pas du tout. Non, what? De Sinatra, ça. Sinatra, pardon. What? Je vous laisse la transition. Non, mais t'as trouvé parce qu'il a dit que c'est musique de bah, l'hiver. Ouais, ouais, mais ouais, vois. Trop d'indices. Bah, t'aurais pu trouver aussi. Mais non, mais grave. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mauvaise foi totale de ma part. Voilà. 2-1. Attends. Merci. Parce que ça m'intrigue. On s'ambiance un peu là. Hein. J'ai enlevé le drop parce que c'était ah bah ouais, c'est loin d'être mauvais. Pas mal, pas mal. Si je peux me permettre. Peut-être qu'à Noël, on va kiffer. Ok, on va passer sur un son qui a eu attends, beaucoup. On rappelle les scores. On rappelle, on est à 2-1, il me semble. Ok, putain. C'est à combien de points? Beaucoup. Je ne vais pas perdre. Je ne vais pas perdre. Du tout. Ah, ok, on passe sur un son qui a eu beaucoup de succès pendant. Trop d'indices. Quelques temps. Ok. C'est pas. Il y a vraiment. Il y a eu beaucoup de sons, hein, comme ces critères. What? Putain, je suis en train de l'avoir. Il est né le divin enfant. Non. Ah, oh, c'est dommage. Attends, écoutez, ça passe crème. écoutez. Le jour de l'est arrivé? Non. Marseillaise? Ah oui. Oh la vache. Écoutez. Ah, bien joué. Il a trouvé un remix d'upstep de la Marseillaise. Il est chambé, c'est un remix important. Marseille, c'est la Champions League. Bah, c'est grave. C'était un remix afro-trap de la Marseillaise. Pas mal. Ah, c'est chambé, putain. Ouais, ouais. Gainsbourg en PLS. C'est pas du tout ce que je voulais mettre. Moi, je voulais mettre celui-ci. Écrit par Roger Delisle. Oui, Roger Delisle. Ça me fait un point en culture géante. C'est quoi ça? On faut trouver. Every time we touch Cascada. Non, c'est un remix en hardstyle d'un morceau qui a eu beaucoup de succès récemment. Il faut le trouver là. Oui. J'ai fait des gros. Despacito. Oh, je l'avais. Yes. Bien joué, Mathis. Ah, je l'avais, je suis grave. Je vais remettre la transition. Je passe devant là. Ouais. C'est bon ça. Je vous mets l'intro. Every time we touch de Cascada. Ça ressemble beaucoup, mais c'est le remix un peu Eurotrap hardstyle. Oui, mais je l'ai eu, mais tard, tu vois. Donc ça ressemble à ça le début. Je l'ai enlevé parce que c'était trop cramé. J'adore ce jeu. Ah, c'est chambé. Que je m'ambiance dessus. Ah, c'est grave chambé. J'ai eu peur que ça vous plaise pas. J'espère que chez vous, vous kiffez aussi. Là, vous ne voyez pas, mais vraiment, tout le monde bouge la tête. Hein. Ah, non, non, people. Put your hands up to my. Ce soir, un petit cœur tacheté, un petit shirt offert dans la boîte. Et toutes les gonzesses en string lèvent leurs mains en l'air. Et toutes les mains en l'air. On s'amuse beaucoup, j'espère qu'on s'amuse aussi. La scène aurait été incroyable à voir. C'est-à-dire qu'il y a trois connards dans un salon en train de taper leur tête. Si quelqu'un rentre et qu'on a tous nos casques. Non, mais le pire c'est que là vous savez pas, mais il y a vraiment des gens sur mon balcon qui nous regardent et qui doivent péter les mots. Ils ne doivent pas comprendre d'ailleurs. Troisième et dernière partie. Rappelle les scores. Rappelle les scores s'il vous plaît, parce qu'il me semble que je suis pas mal là. Il me semble que j'ai plus 2. La Marseillaise. On est à 3-2 pour toi. Non. Si, okay. On était à 2-1, on est à 3. D'accord. J'étais un peu loin de mon micro, je m'excuse pour vos petites oreilles. On passe sur un remix. On passe sur de la chanson française. Okay. Là, c'est de la chanson française. Et. Pardon. C'est parti. Évidemment, j'ai passé le début parce que sinon, c'est trop simple. Bien sûr. Écoutez-le. Attends. Elle est même pas où? Non. Non. Non, ça, c'est la chanson française. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je l'ai pas. What the fuck? Mika! Mika! Chanson française de quoi? C'est pas français, il est libanais! Pardon? Il est libanais! Il est libanais, mais Mika, c'est de la chanson française! Mais est-ce qu'il chante en français? C'est Relax, Take It Easy! C'est le seul morceau où il chante en français! Relax! Quoi? Mais il chante jamais en français! Il chante en français! Fais le malin! Je vous mets le début pour que vous puissiez voir la transition. Pour ça, j'ai pas mis le début parce que. Ouais, mais oui, tu fais bien. C'est ça que je chantais. Je l'avais tellement pas! Je suis très fier de moi. A savoir que je l'ai dans mon téléphone cette musique donc. Tu devrais avoir honte. Je l'avais tellement pas. Je sais pas, les gens qui font ça sont très doués. Ils ont beaucoup de temps à perdre. Ah, surtout, ouais. Enfin, voilà. Est-ce que c'est l'équivalent de faire des YouTube poupes? C'est un peu. Oh, de je pense qu'ils font ça. Ça ressemble à ça un peu. Je pense qu'ils font second degré. En tout cas, c'est dans les deux cas, c'est excellent. On continue sur de la chanson française. 5-3 du coup. 4-2. 4-2. Oh, 4-2. C'est parti. Oh la vache. C'est... Joule l'ovni. Oh, je pensais pas qu'il arrivait si vite. Bah, il y a eu un ovni qui est lancé là, excuse-moi. Ah, il est fort, il est hyper vite. Je vais s'écouter quand même. Tu vois, la transi m'intéresse, ouais. Je crois que la transition est passée en fait déjà. Ah, attends, merde. Je vais remettre plus tôt. Attends, je vais remettre tes débuts. Parce que moi je suis un grand fan de Joule. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour ce magnifique remix? Vas-y. Chanson française au max. J'ai raté. 4-3. Ouais, c'est l'ovni, toujours. C'est l'ovni quand même? Oui, c'est l'ovni. Mmh, allez! Attends, je vais juste vous montrer la la cover. Là, on est bien là. La cover. Oh là, oh là. Ce sera l'image de l'épisode. Oui, donc on est... Je suis désolé, c'est l'équivalent de YouTube Poop. Ah, de ouf. C'est exactement même, ça. Même moins bien, parce que le YouTube Poop, c'est quand même pas mal recherché. Ça demande beaucoup de travail. Plus de béton, pour les potes qui sont béton. C'est la triste, parce que c'est l'artiste préféré de Flo. C'est pas faux. C'est pas faux. Party people, to my brother. C'est ça que je voulais vous faire écouter. Alors ça c'est pas nous hein, c'était dans le son. Incroyable. Ah, le mec il s'est tué à faire ça. Il a collé sa bouche au micro. Ok, on est à combien? 4-3 4-3 ouais. Il reste 2 extraits. Donc j'ai plus le droit à l'erreur. Ah non, et là, j'ai encore gagné là. On est sur de la chanson française encore une fois. Ok. Top. On est plus sur du 2010, par là. Français, français. Français. Français relou, même. Là, vous allez entendre. Oh, putain, faut que je sois rapide. Faut que ce soit plus vif. Attention. Attention. Moi, j'aurais trouvé, là. Ah ouais? Non. Ah putain! Non, Zaz, il a dit Vald. C'est terrible. Bah, je voulais dire Zaz, mais bébé. Voilà ce qui est sorti de ma bouche. Oh, félicitations. Mais mec, attends, genre, tu l'aurais eu avant qu'elle parle? Non, c'est un menton, c'est un mensonge. Ah ouais, mais mec, trop dur. Je suis fort en blind test, pas à ce point-là, quand même. On est à 4-4. Point décisif. On est à 4-4. Et la balle de match, je serre la main à Flo. Il va se jouer sur un artiste que vous aimez tous les deux beaucoup. Flo, je ne veux pas perdre de quoi. Je ne veux pas perdre deux fois. Hein. Oh, je tiens à vous le dire, vous l'aimez beaucoup. Moi, j'aime que les invités se sentent à l'aise, donc il y a des chances que tu gagnes. Ok, vas-y. Sache menteur. Que moi, je ne te laisserai rien. Un menteur. Honnêtement, je pense que ça n'en va dis être... pas trop, n'en dis pas non, trop. Non, mais je pense que ça va être tendu. Vous êtes prêts? Vas-y. Putain. C'est parti. Celui-là, je le laisse depuis le début. Non, c'est vraiment le pire remix de la Terre. Rien à voir avec Snoop Dogg ou pas? C'est chanson française. What the fuck? Écoutez. Christophe Paé! Oui! Ah, le titre c'est. Vous vous rappelez quand il a dit je vais laisser gagner l'invité? Moi je m'en rappelle très bien. Ah mais Christophe Paé, désolé, je peux pas. Il y a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. On se l'écoute pour plaisir. On se l'écoute pour plaisir. Elle est pas mal hein? SO à Christophe Maïs, il nous écoute, bien entendu. J'adore cet artiste. C'est Fonsman Scoop. Ladies, ladies. On dirait le mec qui mixe ça à Excalibur, tu vois ce que je veux dire. À l'Oxford. Ouais. À l'Excal. Ah. Allez, tout la Sienda, tout toutes les mains, allez. Je me lâche. Oh waouh. Quelle déception. Je suis assis par terre. Flo, il était comment? Incroyable comment ce jeu? Incroyable du cul. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Incroyable du fion, c'est ça. J'ai perdu deux fois du cul. Ravi, hein. Après, ravi de venir. Il y a des gens qui ont un serré, talent. Serré les deux fois. C'est serré les deux fois. Après, bon. Serré comme un cul. Est-ce qu'on peut dire que Capsule supérieur à Matisse? Ah la vache! Je me le permettrais pas. Ouais. Les deux personnages emblématiques de Capsule ont détrôné Matisse. Emblématiques et charismatiques. Il faut préciser. Bon, mais écoutez, s'agirait peut-être de conclure cet épisode là. Je pense qu'on ça doit être long. Hein. Alors je suis désolé, on est plutôt court par rapport à d'habitude. Ah, je pense que vous demandez des épisodes un peu plus longs. Bon, voilà, pour être honnête, on n'avait pas forcément prévu de faire aussi long, mais d'un autre côté, on se dit, on s'est pas vu depuis longtemps. Personnellement, ça me fait très plaisir d'avoir enregistré aussi longtemps. Exactement. Surtout avec vous, c'est bien marré. Ouais, je dirais pas mieux. Et je dirais surtout que c'est aussi grâce à l'invité qui nous a apporté un bon thème. Qui nous a mis ce vibes hein, vraiment de faire un long épisode. Alors que je l'ai laissé gagner très sympathiquement. Il a compris comment ça marchait. Et du coup, messieurs, je pense qu'avant de se quitter, on va partir sur des petits trocos. Des petits trocos. Des petits trocos. Moi, j'ai bien envie c'est la question de... co. La question qui. Oh. La question reco. Ce serait super malin de faire un son un jingle. Comme ça. Bah, on vient de le faire en fait. Hop. Vous savez quoi? Je vais mettre un marqueur enregistré exactement ce que vous venez de dire et le remettre sur tous les épisodes. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà des recommandations? Je pense qu'il faut laisser Mathis. Moi métier. J'en ai. Ah bah ouais, t'écoutes. Ouais, j'avais prévu 2-3 trucs. Et ça va être très rapide parce que comme ça. Bah, ça tombe bien parce qu'on va essayer de conclure un peu rapidement. J'avais d'abord le Instagram de Hugo Décrypte. Je sais pas si vous connaissez Hugo Décrypte, oui, bon si recours. Vous suivez. En gros, c'est un jeune qui doit avoir à peu près notre âge, donc dans la vingtaine. Il a passé les concours de Sciences Po en même temps que moi. Ah ouais, ok. Ouais, people notre âge. Il est plus jeune que moi, quoi. Il les a eu, pas moi. Super, sympa, merci. Et en gros, sur son compte Instagram, il fait des reviews très rapides de ce qui s'est passé dans l'actualité de la journée. Exactement. Avec 5-6 posts. Il fait ça tous les jours. Tous les jours, ouais. Je crois qu'il faisait ça que les. C'est hyper intéressant. Sur sa chaîne YouTube, c'est par semaine. Ouais, voilà, sur Insta, okay, c'est tous les jours. Et sur Insta, c'est tous les jours. Et le Insta est vraiment cool parce que ça prend vraiment pas longtemps de voir et puis ça te permet de te tenir. C'est un post Insta. Et à la fin aussi, il y a un sondage où il fait participer du coup ses followers. Pour ou contre le viol. Exactement. Les gens généralement disent pour. Pour, ouais, chaud, ouais, plutôt pour. Non, je comprends. Mais non, mais en vrai, c'est un super compte Instagram. Non, je dis ça parce qu'il y a eu une petite critique récemment sur un de ces sondages, justement. Ouais, ouais. Ouais. Ah, vas-y, sur, alors, je me rappelle plus l'intitulé exact, mais c'était sur un truc sur le droit des femmes, mais je sais plus laquelle question exactement, mais en gros. Bon, c'est pas vraiment une polémique, hein, c'est juste que. Oui. En gros, il laissait ouvert une question qui, pour beaucoup, paraît. Ah oui, évidente. Oui. Mais bon, il a le droit souvent, de faire des sondages, moi ça m'a pas choqué. Ça paraît évident peut-être pour nous, mais peut-être que pour d'autres. Oui, non, mais exactement, voilà, tout à fait. Il faut ouvrir et je pense que les gens qui s'en sont offusqués, c'est les gens qui sont assez clos sur Comme l'a dit Barry, je crois, il a aussi une chaîne YouTube où récemment il a juste interviewé. C'est moi qui l'ai dit, mais tout à fait. Donc Flo l'a dit, il a interviewé juste le président. Assez stylé quand même pour un mec de notre âge sur sa chaîne YouTube. Une interview de merde, mais qui est intéressant à analyser. Honnêtement, je l'ai pas regardé. Non, en vrai, je trouve qu'il s'en est. Je me permets, je suis désolé. Parce que je regarde un peu ce qu'il fait. Je trouve qu'il s'est très bien débrouillé. Ouais. Pour, c'est un jeune qui a trouvé le président. C'est quand même pas rien. Mmh. Je trouve qu'il s'en est très bien débrouillé. Il a pris. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué pour avoir fait, entre guillemets, laisser du temps de parole au parti majoritaire du gouvernement en pleine période électorale. C'était mais juste avant les Européens. C'était juste avant. En fait, c'est ce est-ce qu'on peut parler de ça rapidement ou pas? On peut. Ce qui a posé problème un peu en plus de ça, c'est que en fait, le grand débat, c'était jusqu'aux Européennes, c'est s'arrêté jusqu'aux Européennes. Et en gros, avec le grand débat qui était diffusé en intégralité à la télé, sur toutes les chaînes d'info en continu, ça donnait un temps d'antenne à La République En Marche qui n'était pas décompté, mais qui était, si on cumule tout, à peu près 10 fois supérieur à son second concurrent. Mais après, il y a aussi la chaîne YouTube de Mélenchon, de Marine Le Pen, enfin genre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que la chaîne YouTube est là, mais ça arrive en plus d'un pas un surplus, je vais pas en rajouter, mais de beaucoup de présence de Macron d'Emmanuel Macron sur les. Au-delà de. C'est pour ça que voilà. Au-delà de Hugo Décrypte. Oui. Beaucoup de médias standards entre guillemets ont pointé du doigt le fait que le président de la République était très présent dans la campagne, ce qui est rarement le cas. Est rarement présent autant dans une campagne électorale européenne qui ne concerne que très peu, enfin qui concerne son parti mais pas sa personne. Le clip de campagne avec sa voix, enfin c'est assez inédit. Ouais, enfin, bref, mais sinon pour revenir à Hugo Décrypte, c'est je trouve moi une chaîne YouTube qui a beaucoup de mérite. Il y a beaucoup de travail. Il fait des lives aussi maintenant. Je sais pas si t'as pu regarder. Tout à fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Moi, j'ai grave de mal à le dire. Est-ce que j'ai arrêté de le suivre parce que j'ai le seum, bon, honnêtement, pour les degrés. Bah, parce qu'en fait, il est devenu exactement ce que j'avais envie de faire. Mais beaucoup plus tôt que. c'est plutôt un compliment. Et c'est vraiment un compliment. Et moi, j'étais en mode bah, ça va, mais il se la raconte, moi aussi je peux le faire. Hein. Bah, non, il est très fort. Et du coup, j'ai vraiment. Je me suis désabonné. C'est pas évident de faire ce qu'il fait. Mais vraiment, on peut le critiquer assez facilement, mais je trouve qu'il y réussit plutôt pas mal. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment du bon travail. Donc, plutôt une bonne reco. Ouais, donc ça, c'était ma première reco. Et ensuite, j'en avais deux autres que je vais faire un peu plus rapidement, du coup, pour essayer de terminer ce podcast interminable. Hein, j'adore quand c'est interminable. Les gens sont plus assez prêts. C'est donc deux chaînes YouTube. La première, elle est très très connue. Enfin, j'espère que vous la connaissez. C'est What the Cut. C'est In the Panda. Je sais pas si vous connaissez. J'aime beaucoup In the Panda. J'adore. C'est vrai, t'aimes pas? Hein? T'aimes pas? Ma chère étante qui est juste sur le balcon saurait vous en parler beaucoup plus que moi. Ouais. J'adore ce mec. Il fait des vidéos que je trouve de trop trop bonne qualité. Donc c'est autour du cinéma. J'aime bien ce qu'il fait. Et j'aime bien les films. En... Il fait partie du youtubeur qui a accusé de violer de notes. Si, vraiment. Non mais on s'en fout, c'est derrière. On va pas diffamer ici. Il fait partie des mecs qui ont été dénoncés dans Balance ton youtubeur. Pas de diffamation. Je ne diffame pas. En dehors de ça, je trouve qu'il fait des vidéos de très très bonne qualité. Non, moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé sa trilogie finale. Top. Oui, j'ai trouvé que Disney c'est épisode 2. Et par la suite, non, c'était très bien ça. Et après, il a continué à faire des vidéos très longues. Et moi, j'adore les vidéos YouTube super longues parce que c'est un contenu qui est pas fait pour être long. Ouais. Et qui en fait ils étalent un truc qui est fait pour être court et du coup moi j'adore parce que c'est ouais, sur le long terme. YouTube favorise pas les contenus longs. Exactement. C'est ça que tu veux. Et ce que je veux dire c'est que c'est un format long mais qui reprend les codes d'un format court. Non c'est très bien et fait. Et du coup je trouve ça super bien fait. En plus lui c'est il le fait super bien. Et tout, c'est assez dynamique, il y a un peu de mise en scène, il y a des guests sympas, il y avait le joueur du grenier en psy. Il y a beaucoup de gens qui font de la revue ciné. Ouais. C'est compliqué de sortir du lot. Et moi je trouve que lui franchement moi je suis d'accord. Et la je dernière chaîne, d'accord, la, mais je la dernière que chaîne, ouais, ouais, la dernière chaîne YouTube, voilà, je suis d'accord, c'est, je suis jamais, si rarement d'accord, ouais, ouais. Podcast, je te déteste. Oh, je coupe son micro. Oh, le bâtard, c'est le mien, c'est le mien. Très bien, mais Barry, laisse le couper. Ça va, on rebondit sur tes recos, enfin merde. Mais après là, je sens que vraiment ça va durer longtemps. Non, mais c'est pas grave. Les mecs, ils nous ont pas entendu depuis 3 mois. C'est pas faux. Non, ce que je disais, c'est que. Il durait 3 heures. Mais là, on est vraiment à 3 heures. C'est moi qui fais le montage. On termine. Je suis vraiment d'accord avec lui, mais son avis est intéressant. C'est ce que je veux dire. À toi, Mathis. Et donc, la dernière chaîne YouTube qui est un peu moins connue, c'est la chaîne des frères Poulain. Je sais pas. Je si connais vous pas. Connaissez. J'ai déjà entendu parler qu'est-ce de ça, donc mais je sais pas ce que c'est. Alors, en gros, c'est deux frères qui font de la menuiserie. Alors, moi, j'ai aucun attrait de base vers la menuiserie. Et en fait, ils ont un concept hyper intéressant. Par exemple, ils font des sortes de challenges où, en mode, ils doivent, par exemple, en une heure. Celui qui va créer la plus belle boîte et donc tu les vois pendant, pendant 20 minutes machin, ouais. Chacun crée leur petite boîte et à la fin t'as un reveal machin ou alors ils font des grosses bandes d'arcade et c'est des épisodes assez longs et tout et franchement c'est hyper stylé. Mm-hmm. Je sais pas, ça me met bien, j'ai aucun attrait de base pour la menuiserie mais ça me met bien, je sais pas pourquoi. Ouais non mais je comprends. Ils sont marrants mais genre sans prendre trop de place et tout, enfin t'inquiète, tu parles à un gars qui a recommandé des mecs qui faisaient des sabres ou ah bah alors là gros tu vas grave kiffer, donc les frères Poulain, y a pas de problème, moi ça me plaît beaucoup. Merci pour ce reco. Flo, est-ce que t'as quelque chose? Bah, j'avais rien en fait. Ouais. Et t'as parlé d'Hugo Décrypte. Moi, je vais vous parler de la chaîne Twitch d'Acropolis parce que je pense qu'on l'a jamais fait. Et je pense que c'est un scandale qu'on les ait jamais fait. C'est vrai qu'on a jamais fait, putain. Parce qu'en plus, on le suit depuis très longtemps. Jean moi, Massier. Perso, depuis le lancement. Acropolis, Jean Massier, ouais. RPZ et compagnie. Moi, je suis pour le fait de vulgariser un peu la politique, ouais, pour les jeunes, pour les gens qui, ou pour les gens tout court qui veulent. Qui sont ont pas du mal à forcément. Et surtout, sa façon de le faire est géniale. C'est-à-dire que ce qu'il faisait au début d'Acropolis, maintenant il s'est un peu diverti. Dispersé. Je sais diversifié. Pas. Diversifié, ouais. Voilà. C'est qu'au début. Oh, je te déteste. Oh, bah, on va le laisser, mais je te déteste. Ah, bah il sera laissé celui-là. Ah, celui-là il sera laissé. Il en faut un pour les quotas. C'est gratos. En gros, ce qu'il faisait au début, c'est que juste il commentait comme un commentateur sportif commenterait un match de foot. Il commentait les questions au gouvernement. Ça c'était bien. Et en gros, ça c'est bien. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un mec qui a exactement comme un tenteur de foot. Il a une énorme culture dans la politique, sur pas dans le foot. Ouais. Et du coup, dès que le mec dit son truc, il peut capter très vite toutes les références qu'il y a dans le discours. Exactement. Capter à quel texte de loi il passe, à quel article de loi. Voilà. Est-ce qu'il le fait en live ça? Il le fait en live. En live. Sur, ouais. Avant, il le faisait sur Twitch. Hein. Avant, il le faisait sur Twitch. Il s'est fait virer de Twitch. Il est allé sur YouTube et maintenant Twitch accepte les lives qui sont pas que sur du jeu vidéo. Du coup, il est reparti sur Twitch. Non, maintenant Twitch accepte, donc c'est sur Twitch. Donc maintenant, il s'est remis sur Twitch. Et il faudrait que cette chaîne soit vue par plus de gens. Franchement, il y a beaucoup de gens qui savent pas comment aborder la politique. Je pense que c'est un bon moyen. Ouais. Parce que, au-delà d'être un jeune ou quoi que ce soit, qu'on soit jeune ou pas, c'est vraiment quelqu'un qui va t'aider à comprendre les clés de compréhension du discours politique, surtout. Ouais. Et il sait quand il fait les questions au gouvernement, en pleine assemblée, en live, ça, c'est vraiment quand les mecs ils te parlent idée, hein. À la tribune et que tu comprends R à ce qu'ils disent, lui il va te dire ah, ok, donc ils parlent de ça, qui a rapport à ça, voilà. Tel article, ils veulent le modifier de telle façon. Donne les liens et les clés pour comprendre. Exactement. Et c'est très. Et c'est un peu sous la même veine que Hugo Décrypte. Ouais. Bah, ils ont travaillé ensemble pendant une période. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, son émission pendant la présidentielle, c'est de vulgariser un peu les politiques. Je sais pas si l'émission d'Hugo d'ailleurs est pas en partenariat avec Acropolis. C'est pas de vulgariser, c'est de donner accès. Parce que le but, c'est vraiment pas de la rendre simple, c'est de la rendre accessible. Enfin, c'est pas de simplifier, il veut laisser la même complexité, juste te permettre de détricoter tout. Ok, d'accord, je comprends. Si tu vois, je sais pas si. Que le matériau reste, comment dire, ce qu'il est, parce que ça reste de la politique et que ça reste un truc qui est facilement accessible, mais de le rendre plus clair. Quoi. Mmh. Ok. Bah, en fait, ce mec-là, je suis tombé. Au tout début où il a commencé sa Acropolis, il faisait beaucoup de libre antenne. Et je suis passé sur une de ces libres antennes, vous pouvez peut-être la retrouver sur YouTube. Oh oui, ça se retrouve. Et on avait discuté de comment lui est venue cette idée. Et en fait, le mec est un fan de Zerator. Okay. Zerator qui, pour les gens qui ne savent pas, on en a déjà parlé, mais c'est un streamer, c'est un peu le daron des streamers, le père des streamers français. Numéro 1 du stream français. C'est mon préféré, en tout cas. L'équivalent d'Otton Daniel sur YouTube. Mais voilà. Et en gros, c'est un gros fan de Zerator qui s'est dit... lui, en fait, il bossait en politique, c'était une plume, on va dire. Il écrivait les discours de la secrétaire d'État au sport et d'autres trucs comme ça. Il était dans les cabinets. En fait, il bossait dans les cabinets. Il était prof, chargé de TD à Sciences Po, et tout ça. Et en gros, il s'est dit, moi je fais que de la politique toute ma vie, lui il fait que des jeux vidéo, et il les rend vachement simples. Pourquoi moi je ferais pas la même chose? Et okay. En gros, le principe c'était de vraiment de permettre aux gens de comprendre tout ça. Et c'est pour ça que je trouve ça cool, tu vois. Moi je trouve ça vraiment ouais, bon. Ouais. Et vraiment c'est bien. Je regarde pas souvent. Souvent je regarde en VOD en fait, je regarde rarement en live parce que j'ai pas le temps. Et d'ailleurs, Jean Massier, si tu passes à Bordeaux un jour, tu serais le bienvenu à notre table. Avec grand plaisir. Ah vraiment, je prendrais beaucoup de plaisir à t'avoir avec nous. Et je sais qu'il est un peu de temps un peu chargé. Mais ouais, mais avec grand plaisir. Tu sais, on sait jamais. Kenny West, d'ailleurs, si tu passes sur Bordeaux, n'hésite pas. Je meurs. Donc voilà, c'était Marocco. J'en ai pas spécialement d'autres. J'en ai pas spécialement de cachis. Est-ce que toi, Barry, de ton côté, tu en as de côté? Eh bien, j'en ai pas mal parce qu'en fait. C'est de faire vite quand même. Chaque semaine, ouais, je vais faire vite. Chaque semaine, en gros, quand on fait un épisode, coup de pire. J'ai mes petites notes où je note tout ce qui se passe dans. Et que je veux recommander aux gens. Ouais. Et là, ça fait longtemps qu'on a pas enregistré, donc j'ai beaucoup de trucs. Mais je vais aller très vite. Tout d'abord, toi, Pierre. Oui, non, je vais regarder. Tout d'abord, un compte Instagram. C'est le compte Instagram de Emrata. Emrata, évidemment, je. Je recommande aussi. Il y a une photo. Il y a une photo. Elle a la même veste que moi. C'est incroyable. Je vous la montrerai plus tard. Ça m'intéresse. Bref, un compte Instagram, c'est le compte de Été Arte. En gros, enfin, en fait, c'est une BD qui se passe l'été. Et qui sort où ils te sortent une planche par jour, de 1er juillet au 31. Comment tu l'écris ETRT? ETE, ETE, tiré du 8, Arte, ARTE. Ok. Et en gros, ça fait 2 ans que tous les étés, à partir du 1er juillet, ils commencent la BD. Et en gros, c'est, la première saison, c'était une histoire d'amour, mais de deux personnes qui voulaient se marier et qui disaient on se laisse un mois où on fait chacun ce qu'on veut. Avant de se marier. Et à la fin du mois, on se retrouve et on se marie. Ok. Et donc il se passe plein de trucs, je peux vous spoiler parce que vraiment c'est super intéressant à lire. C'est de la BD mais c'est un peu animé parce que c'est sur Instagram donc tu peux avoir des vidéos. Et ça veut dire que là on a la première saison qu'on peut choper directement. Il y a les deux premières saisons qui sont déjà finies. Ça a commencé il y a 2 ans du coup. Et ça a commencé il y a 2 ans. Ouais. C'est toujours dispo sur Instagram. Et en gros si j'ai pensé à ça c'est parce que ils ont coupé les ponts avec Arte. Ils sont plus produits par Arte maintenant. Et en gros là ils ont fait un financement participatif qui est fini maintenant. Pour lancer une saison 3 et une saison 4 qui sera disponible sur Instagram et sur papier. Et okay. Du coup, je me suis dit. Pour être publié. Ouais, pour être publié. Et je me suis dit, ce serait super cool s'il y avait d'autres gens qui allaient parce qu'ils ont, genre un petit 10 000 abonnés, un truc comme ça. J'ai jamais entendu parler. Et je trouve ça vraiment bien. Et ce qui est super cool pour la première saison, pardon, c'est pas un spoil, c'est machin, mais c'est qu'elle peut. Elle peut se lire dans les deux sens, du 1er juillet au 31 août ou du 31 août au 1er juillet. What? Ouais, ah ouais, c'est extrêmement bien écrit et, ouais. Et je vous encourage à aller voir et à partager un peu si ça vous plaît, etc. On enchaîne. Sinon, un rappeur a été tué il y a quelques mois, il s'appelle Nipsey Hussle. Il a sorti un premier album, enfin un album qui était super bien. Qui s'appelle Victory Lab, que je vous recommande. Attends, j'ai dit un blaze. Il est mort le mec que j'ai dit? Oui, il est mort l'année dernière. Ah, ok. Il y a plein de rumeurs comme quoi il est pas mort. Il est avec Michael Jackson. Inch'Allah. Avec Jésus aussi. Pardon. Jésus revient. Et son album, il est vachement bien. Et ça parle de plein de trucs. Ça parle de la vie du ghetto que je connais pas, qu'on connaît pas non plus, mais qui est vachement. C'est super bien écrit et c'est super bien produit. Il y a un truc avec qui ressemble beaucoup à du Mick Mill, je sais pas si vous connaissez Mick Mill, mais c'est trop bien. Et Mick Mill, c'est un mec différent, mais Mick Mill est très fort aussi. Actimel. Ça je connais ça. et c'est deux mecs que j'aime beaucoup, malheureusement Nipsey Hussle il est décédé. Et cet album là c'est le premier album sur lequel ça fait 20 ans qu'il fait du rap, et sur cet album là c'est le premier album où il a vraiment pété, c'est vraiment devenu une superstar, tu vois. C'est dégueulasse. Et il s'est fait vraiment tirer dessus, et dans une interview il y a genre 2 ans, il a dit quand je me serais fait abattre, ils diront que c'est une histoire de gang ou de drogue. Ouais. Et 2 jours après sa mort, dans la police de Los Angeles, je crois, a publié un rapport qui disait que c'était des chiens, que c'était un règlement de compte entre gangs dû au trafic de drogue. Et du coup, j'ai trouvé ça. En fait, c'est Donald Trump. En fait, je sais pas, il s'est fait buter, il a pas eu de chance. Quoi, et puis voilà. Tu peux répéter le nom du rappeur? Nipsey Hussle, ça s'écrit Nipsey espace Hustle, H-U-2-S-L-E. Okay. Et pour finir sur une touche un peu plus positive, la chaîne YouTube BattleBots, c'est des robots qui se tapent dessus. C'est incroyable. Ça me fait penser à un truc aussi. Dis-moi. La chaîne du championnat du monde de concours de billes. De quoi? Genre, attends, non, j'ai pas le blaze exact. Les concours de bisexuels? Non, de bi, genre les billes. Ah, de billeux! Ah, billeux! Les billeux! Ah oui, des concours de bisexuels. alors moi, ça fait 20 ans que j'aime les hommes et les femmes. On est sur une émission très LGBT friendly, y'a pas oui, de. Oui, on est, bah, on est là. Non, les billes, les trucs ronds que tu jettes. Est-ce que t'as vu les vidéos de courses de billes? Oui, c'est alors trop bien. Là, non mais attends, je sais pas si Marble Race. Mais voilà, mais c'est ça que je parle moi je crois. Ah bon, c'est ça. Genre les trucs de concours olympique de billes. Ouais ouais, oui. C'est, c'est ça, Marble c'est Marble génial. C'est pas vrai, mais c'est qu'à chaque fois, qu'il y a un invité, vous êtes plus potes entre vous qu'avec moi, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux, les grands esprits se rencontrent. C'est comme ça, Marie, écoute. Mais c'est vrai que c'est une très bonne reco parce que c'est énorme parce qu'en fait c'est juste une course de billes à la con et il y a le commentateur qui en fait un truc de dingue. Comme ça, c'était Usain Bolt plus en, loin en que bille, ça. Quoi. Ouais. Parce qu'il y a un moment où le mec. En fait, c'est des. Il fait des supporters et tout avec en fait, des billes. C'est des montages de billes où le mec il filme genre des billes qui sont sur différentes épreuves, genre natation sous l'eau et tout, des trucs comme ça, à travers des parcours. Natation sous l'eau, si jamais. Hein. Ouais, non, mais oui, non, genre, voilà, genre il nage. Quoi. Ouais, ça va c'est la natation sous l'eau. Et genre il filme des tribunes, tu vois, genre où les billes sont rangées par catégorie. Ouais. Genre j'ai des pseudo-tribunes où il fait genre ouais, allez, la bille est jaune, allez, machin. Ouais. Et il y a un moment où le gars il se fait tellement yèche. J'avais pas compris. Le gars il se fait tellement yèche. Il simule une baston entre billes. Oh la vache. Je te promets que ce moment il m'a le coup tué. D'aller voir. Ce moment il j'étais mort. Incroyable. Genre les telles billes qui se battent contre telles billes parce que leur corps. Enfin bref, incroyable. Incroyable. Pas les mêmes billes. Et, ah j'ai une reco qui m'est revenue. Oh la vache, ça ne terminera souvent jamais. Souvent ça des recos, hein. Souvent ça rebondit. Ça va être très long. Inch'Allah on découpe l'épisode dans deux épisodes, on verra. Mais ce que je voulais dire. La merde. Ce que je voulais dire c'est. En fait on est fan de Star Wars à peu près tous ici. Pas du tout. Et en gros. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Star Wars Theory, donc il fait des théories sur Star Wars, Captain Obvious, voilà. Mais il a lancé une série qui s'appelle Vader, et en gros, ça commence dès la fin de Star Wars 3, et en gros, c'est la vie de. C'est un fan film, mais c'est une fanfiction, pardon, entre le 3, qui a pour ambition de relier le 3 à Rogue One. L'espace, on sait pas ce qui s'est passé. Et en gros, c'est des épisodes de 20 minutes. Je crois qu'il y en a deux qui sont sortis là. C'est marrant. Il a sorti le premier qui était vraiment très très bien. C'est avec des acteurs et tout. C'est avec des acteurs et tout. Okay. Avec, je sais pas si je l'ai pas déjà vu. Et il est possible que j'en ai déjà parlé. Mais c'est sorti à un moment, on devait enchaîner longtemps. Et, je pense et en fait, il a enchaîné une première fois. Il s'est fait striker par Lucasfilm et Disney. Non. Qui considéraient que c'était. Considéraient parce que la bande-son était un remake de la bande son originale, mais qui semblait trop proche de l'original. C'est dommage. Il reprenait les caractères, les personnages de Star Wars, les masques, enfin vraiment. Masks. yeah, and they copyrighted this song. Non, et du coup, il s'est fait striker, il a reçu un mail de la présidente de Lucasfilm elle-même qui a dit oh, excuse-moi, en fait, c'est Disney, ils ont pété les plombs, on retire notre truc. Ils ont pété l'école aussi. Ils ont pété encore oui, oui, j'ai dit trop, pété les plombs. Et du coup, il a pu publier l'épisode 2, ça c'est sûr. Et normalement, il y a plusieurs épisodes qui vont arriver. Il y a un financement participatif pardon, encore aussi. Donc si jamais ça vous tente, allez regarder. Si vous avez plein de sous, donnez. Ça me tente. Et est-ce que tu peux redire le nom? C'est Vader? Star Wars Theory. Vader. Ok, ça marche. C'est noté. C'est noté. Yes. On est bien. Eh bien écoutez, messieurs. Bah, on va s'arrêter là, non? Est-ce qu'on va s'arrêter là? Bah, je pense. Tu penses que c'est le moment de se dire au revoir? Un petit outro qui va se lancer. Messieurs, ce fut un plaisir de participer à ce podcast. Alors, on va se quitter là-dessus. Du coup, un grand merci à toi, Barry, évidemment, mais surtout à Mathis d'avoir été avec nous. Vraiment merci à vous. C'était chambé. Mathis. C'était grave cool. Quand tu veux, tu reviens. Il n'y a aucun problème. Oui, c'est bien amusé. Quant à nous, on se retrouve, on espère, assez tôt. Enfin, on va essayer de reprendre un rythme qu'on avait au début. Dans deux semaines. On se dit dans deux semaines, ça se trouve, on sera le plus tôt. Peut-être pas, peut-être, on verra. Je pense que c'est le moment où il faut qu'on se dise au revoir. Et c'est le moment. Allez. Merci à tous. Salut. Et ciao. Ciao. Je vais le retrouver, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous retrouverai après. Une pub qui m'avait beaucoup rire d'ailleurs de Brawl Stars, c'était oui. Sur tous vos appareils, 1, 2, 3, brawler. Meilleure pub pour YouPorn. Ça m'a grave fait rire.